Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le programme présenté est réservé à un public averti. En effet, dans les deux heures qui vont suivre, vous ne serez pas à l'abri d'être transporté dans l'univers fantastique de Cthulhu, une monstrueuse entité cosmique, une gigantesque créature extraterrestre endormie depuis des millénaires qui réveille ses tentacules pour agiter votre samedi soir. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Les aventuriers venaient d'arriver dans cette boutique, la boutique Juju, où les pires souffrances les attendaient. Le supplice du destin cessera-t-il de s'acharner sur ces misérables ? Peut-être que la mort sera leur seul espoir. Un des membres capturés, séquestré, bâillonné et ligoté, venait de s'enfuir de la boutique. Toujours avec les tambours qui résonnaient dans vos oreilles. C'était qui ? Cette ambiance oppressante dans cette boutique, avec les animaux empaillés qui semblaient vous regarder. Tambour. Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Que faites-vous ? Où sommes-nous placés dans cette... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah, t'es... Ouais, t'es pas là, toi, ta gueule. Mon dieu, mais y a Poule qui a popé. Il a popé. Non, mais place les personnages, en fait, où est-ce qu'ils sont? Parce que là, c'est ultra vague pour ceux qui... On est un peu dans le flou. Ils vont pas écouter. Vous êtes dans une boutique. Une boutique maudite. Ouais. Avec deux personnes qui sont ligotées à côté de vous et une qui a disparu. C'est qui? C'est des méchants? Oui, c'est des méchants. Ah, d'accord, je croyais que c'était des potes. Bah non. Oui, c'est sûr. Dit comme ça. Moi, je propose un passage à tabac. Bah, tu fais ce que tu veux. Bah non. Non? Bah non. Ah bah merde. Bah non, parce qu'il y en a un qui vient juste de s'échapper, en fait. Ah oui, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon lieu. On devrait peut-être partir. Je pense que le temps est un peu compté. Bah oui. Bah, tu sais quoi? Moi, je te propose, Jacob, on part, on les emmène et on les interrogera plus tard. Oui, pourquoi pas. Clifford, il en pense quoi? Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal, hein. Pareil d'ici, ça paraît safe. Et bah, on embarque les deux et puis on se casse. Ouais. J'en prends un sur mon épaule. J'en prends qu'un, par contre. Ok, t'en prends un, tu prends l'autre. Et vous cassez par la porte où vous êtes rentré. Par derrière, par là où qu'on est rentré. Par que là où vous êtes rentré. Pas sur la voie publique. Ça marche. Vous passez à côté de tous les objets qui semblent vous regarder. Il y a des étranges objets un peu en bois, des choses empaillées, des choses de difformes. Vous sentez vraiment quelque chose d'oppressant, comme si vous vous êtes observé. Et vous repartez dans l'autre pièce, à côté, dans l'autre bâtiment, où vous entendez légèrement les tambours, et avec une ambiance plus... oppressante, plus comme un endroit abandonné qui n'a pas reçu de vie depuis trop longtemps. C'est bizarre quand même ces tambours, les gars, non? Mais là, je pense qu'on n'a pas vraiment trop le temps de s'en occuper. Ah bon? Y a l'autre, il a dû avertir tous les gens qui sont dans le... Il a dû avertir tous les autres qui sont dans le magasin, donc s'ils débarquent dans pas longtemps... Ouais, c'est vrai, vaut mieux se casser. T'as raison, on va pas se poser de questions, on continue de courir, je pense. On reviendra quand le monsieur Poule sera avec nous. Ouais. Très bien. Donc, ils l'ont jamais vu. Donc là, vous partez, vous retournez à la voiture avec... vous avez toujours les hommes sur les épaules et vous repartez avec jusqu'à la voiture ou... Ouais, je les embarque. D'accord. Au cas où s'il y en a un qui meurt pendant l'interrogatoire. Okay. Vous courez, vous les embarquez et vous les ramenez dans la voiture. Ils sont toujours inconscients pour l'instant. Parfait. On les met dans le coffre, je précise. C'est mieux dans le coffre. Très bien. Une fois dans la voiture, qu'est-ce que vous faites? Bah, on s'en va. C'est qui conduit? Bah, il y a toujours le chauffeur là. Ah, c'est mon chauffeur? Ouais, ah, bah, chauffeur. On retourne à notre hôtel de d'habitude. Ça va pas paraître louche. On arrive à l'hôtel, à l'accueil, avec deux bonhommes ligotés sur le dos. Oh, c'est vrai que c'est un peu louche. Si on allait voir Poule, peut-être qu'il nous comprendrait. Oui, ouais, c'est vrai, mal, c'est une très bonne idée. Chauffeur, va voir Poule, s'il te plaît. Oui, mais je sais pas où il habite. Au commissariat. Ouais. Putain, t'es con, chauffeur. Direction commissariat, c'était quel commissariat où il était? Commissariat central. Bah, au commissariat central. D'accord, commissariat central. C'est mon chauffeur, je fais ce que je veux. J'ai envie de l'insulter. Mais je suis pas sûr du commissariat central. Ah. Bah vas-y, puis on verra bien. Il nous avait laissé son numéro, non? Ah oui. Ouais, mais je propose qu'on roule quand même. Ok. Ouais, roulons. Qu'on se barre d'ici. Vous roulez. Vous roulez jusqu'au commissariat central. Et au moment où vous arrivez au commissariat central, vous voyez, vous reconnaissez clairement le lieutenant Poule qui était en train de partir jusqu'à sa voiture, qui sortait tout juste du commissariat, mais pile poil, et qui arrive vraiment exactement au moment où vous êtes. Parfait. Et eh ben, on l'interpelle. Vas-y, Jacob, va l'interpeller. Pourquoi moi? J'ai pas envie d'aller voir. Moi, je préfère surveiller les deux zigotos dans le coffre. Je peux y aller. Peut-être que je suis meilleur diplomatiquement. Oui. Je sors de la voiture. Et je marche en direction de Monsieur Poule. Très bien. Vous arrivez jusqu'à Poule. Il est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, Monsieur Poule. Oui. Écoutez, on a un gros problème techniquement. On est retourné dans la boutique. On avait eu des ennuis déjà. Ah bah c'est malin ça. Oui. Enfin bref. Il y a deux personnes ligotées dans notre coffre. Mais vous en avez pas marre de foutre la merde en fait? Genre vraiment, vous pouvez pas juste appeler les flics? Écoutez, vous comme moi, on est mêlés à cette affaire, d'accord? Et si on essaie pas de la résoudre, c'est elle qui va nous tuer, ok? Non, je vous suis. Ah bah voilà. Venez nous accompagner jusqu'à la voiture, s'il vous plaît. Je vous suis. D'accord. Pas de problème. Très bien. Vous vous souvenez de mes camarades? Camarades. Xiao et bonjour, Jacob. Monsieur. Est-ce que vous aurez une planque ou quelque le part? Le pouilleux et le débile, oui, je m'en souviens. C'est lui le débile et le pouilleux. Hein. Oui. Mais est-ce que vous avez une planque ou est-ce qu'on pourrait se planquer avec les deux gens? Oui, je dois avoir ça. Parce qu'on peut pas retourner à l'hôtel, c'est pas très discret apparemment. Et c'est sûr que c'est pas la meilleure des idées, oui. Bah c'est où alors? La planque, elle est située dans un bâtiment qui est pas très très loin de la boutique Juju, mais l'inconvénient c'est qu'elle a pas de visuel, enfin faut vraiment se pencher à la fenêtre pour voir la boutique en fait, c'est pas la planque la plus pratique pour l'instant. Ouais. Mais ça sera toujours mieux que rien je pense. Ouais, mais aller près de la boutique c'est quand même c'est reprendre un risque de plus. Ouais, ont vu la voiture. On peut pas aller chez vous? Vous connaîtriez pas un coin? Non, je suis moyen fan d'emmener des gens ligotés chez moi avec les voisins qui peuvent me voir. Ouais, moyen fan. Un endroit désert une forêt, une clairière, des charges. Il y a pas un autre commissariat? Des lieux abandonnés assez excentrés de la ville. Oui, il peut y avoir le cimetière par exemple, il y a plein de choses. Bah, le cimetière non, mais il y a pas une je pense à une usine abandonnée pas loin un peu excentrée de la ville. Oui, il y a une usine abandonnée qui n'est pas très très loin et qui devrait faire l'affaire. En avant gagnant. Très bien. Vous roulez. Il fait nuit, un ciel assez nuageux. Enfin, vous voyez pas forcément directement les nuages, mais il y a un peu d'humidité dans l'air. Peut-être qu'une pluie devrait pas tarder à s'abattre sur la ville. Vous avancez, vous passez devant quelques personnes. Il y a quelques personnes qui courent. Une ambiance toujours un peu froide pour l'instant. Un peu sombre. J'en profite pour, durant le voyage, me note en plus les mecs. Au cas où. Ah, les mecs dans le coffre? Ouais, je les menote comme ça. Ok. Ils sont toujours inconscients. Hein. Vous vous arrêtez et pour me noter. Et quand tu rouvres, en fait, t'en as un qui est inconscient et un autre qui se met à bouger et qui tente de s'échapper. Je t'attends dans la gueule. Ah non, c'était mon rôle. T'essayes de le frapper. Fais-moi un jet de force. Avec les dés en acier. Et ouais, il y en a qui ont des dés en acier, quoi. C'est... Bah, et on a la classe ou on n'a pas la classe? Non, quoi. J'ai la classe ou je ne l'ai pas. J'ai fait 97. Putain, il va frapper le mec qui est déjà mort. Je me frappe donc moi-même, c'est intéressant. Ok, alors tu le vois, tu es pris d'un. Là, en fait, tu pensais déjà te barrer de ton service. Il y a des clampins qui viennent te faire chier alors que tu pensais rentrer chez moi pour chez toi pardon, parce que pour bouffer tranquillement, et t'es énervé. J'ai pas le droit de relancer. Et au lieu de sur un échec critique, j'essaye. Hein. Tu t'énerves et t'en as tellement marre que tu fais même plus attention, t'es fatigué et tu donnes un gros coup dans la voiture, tu enfonces l'aile. Putain, mais je suis Hulk en fait. Ouais, t'es énervé. Quel connard. Et tu sais que c'est ma bagnole quand même. C'est pas mon problème ça. Et tu vas la repayer. Et tu perds 3 points de dégâts. Hein, et quoi? Attends, et poule, pousse-toi. Tu perds 3 points de vie, pardon. Pousse-toi, laisse faire les professionnels. Voilà, et je lui mets une bonne pêche dans la gueule au mec qui est dans le coffre. Ok, fais-moi un jet de force. Ouais. 55. Ça passe. Ouais. Tu lui fous une grosse tarte dans la tronche. Il tombe par terre. Il ne bouge plus. Mort. Il est mort. Non, c'est pas que je plaisante. Et puis du coup, je les embarque et je les sors pour pouvoir les monter dans la maison. Pendant ce temps-là. Mais du coup, je les menotte quand même. Hein, Ouais, pendant ce temps-là, le lieutenant, il se tient un peu la main. Il a mal à la main. Et... C'est pas... enfin, il a l'impression qu'elle gonfle, mais c'est pas encore visible. Et il sort rapidement ses menottes pour essayer de, quand même de les menotter au plus vite avant qu'il y ait les moindres problèmes. Vous les remettez dans la voiture. Et vous repartez en direction de ce fameux... C'est ma main droite ou ma main gauche? T'es droitier, je suppose. Ouais. Donc c'est ta main droite. Bah oui, bien sûr. Fallait mentir. Je suis trop honnête pour ce jeu, moi. De toute façon, ça aurait été ta main directrice. Donc vous arrivez devant cette usine abandonnée. Elle a un petit air assez lugubre. La voiture se gare à côté, qu'est-ce que vous faites? Parfait, bouge pas, sors les cadavres. Enfin, les gens. Est-ce que la pluie a commencé à tomber, on est d'accord hein? Non, pas encore. Ah. Mais ouais. Je va pas tarder. J'ouvre le coffre, je sors les deux gens et je les mets contre un mur assis. Et je reste devant eux. Et je les fixe, même s'ils sont inconscients. Ok, alors. T'en as. Un qui se réveille. Tarte dans la gueule. Ah non, bah non, faut l'interroger. T'en as un qui se réveille et un qui semble inconscient. Celui que t'as frappé, il a l'air de pas bouger du tout. T'as l'impression presque qu'il est mort. D'accord. Et bah, du coup, j'enlève le baillon du mec qui est réveillé et je lui mets une tarte dans la gueule. Alors, fais-moi un jet de force. Non. Pourquoi t'as 34. Fait ça? Ouais. Qu'il arrête de... Tu lui mets une tarte dans la gueule. Oui. Il fait, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, allez vous faire foutre. Juste c'est sur. Bah je lui remets une. Je lui retiens le bras. Entre temps oui, moi je me suis jeté sur toi pour éviter de le tuer quoi. Il a des choses à nous dire cet homme. Faut arrêter de... Non, mais j'applique une technique chinoise ancestrale qui est le bâton et le sucre. Tu m'entends? Non, je m'en fous. Je lui retiens le bras et je le menote. Voilà. Merci. Ah, t'es sûr? Tu veux essayer de le menoter? Oui. Ok. Je réplique et je lui fais bouffer les menottes. Alors, oh putain, mes bandes de coups. Ça va être interminable. Ça va être grave. Bien, faites-moi tous les deux un jet de force pour voir. Ouais. Et on va voir si c'est lequel fait un jet. 27. J'ai fait 42. Mais je suis bien plus fort que lui de ouais, mais en réussite, ça fait une réussite majeure ou ouais, pas? Moi, j'y suis à 60, donc je suis à 22. Donc, Moi, ça fait une réussite. Bah, 42 piles. Donc on va dire que t'es au-dessus alors. Donc t'essayes de le frapper. T'as quand même Martin Poole qui est un policier quand même qui est habitué à dealer. De renommée. Bah, je suis quand même habitué à dealer en fait avec des ouais. Brutes. LOL. Il utilise ta force en fait pour te faire une clé de bras. C'est ça. Et te met directement clac-clac les menottes. T'as pas eu le temps de le voir quoi. En fait, tu as un peu sous-estimé le lieutenant, un peu trop confiant. Par ta propre force brute. C'est vrai. Ce qui fait que tu t'es fait avoir à ton propre jeu. Merci, monsieur. Maintenant menotté. D'accord. Du coup. Zio, excuse-nous, mais c'est nécessaire là, d'accord? Tu peux pas te contrôler, donc on va te contrôler. Alors, mais vous avez pas compris, c'est une technique ancestrale, comme ça il parle. Ah non, il faut peut-être quoi, lui poser une question. On va peut-être le baïonner aussi, ça peut. Ça marche aussi, mais... Non, je parle de toi, Zio. Pendant qu'ils font toute leur tintoir là, moi je vais essayer de faire un tour dehors. Voir s'il y a personne qui traîne, si une cornée comme ça quoi. Ok. Ça m'agace leur truc. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Est-ce que la pluie a commencé à tomber? Oui, elle commence, c'est des petites gouttes. Ah, c'est des petites gouttes. J'ai pas des petites gouttes. Ouais, on va mettre la pluie quand même. Ah, j'ai fait 3 ma gueule. Ouf. Ok, Tu repères absolument toutes les personnes qui sont aux alentours. Tu ne vois pas de personne qui serait susceptible d'être de la secte. Mais tu vois vraiment tout aux alentours. Il y a 2-3 groupes d'adultes dans un coin, mais c'est... Tu reconnais, c'est pas spécialement ce type de personnes, c'est pas des personnes qui présentent un danger. C'est plus des personnes qui s'amusent, qui discutent, qui fument. Ok, impeccable. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Eh bah, ben, du coup, moi je me présente devant eux, je fais bonjour, lieutenant Martin Poule. Ces messieurs vous ont récupéré dans une boutique qui s'appelle Joujou. J'aimerais donc savoir ce que vous y faisiez. Pourquoi vous étiez ligoté ? C'est eux qui sont venus nous ligoter. Nous, on était juste dans la boutique, en train de discuter, faire une réunion, en train de discuter de... Tu vois, il ment. Faut que je lui mette une claque dans la gueule. Tais-toi, Xiao. Attends, je vais lui parler, moi. Écoute-moi bien. Dans la boutique, la dernière fois qu'on est venu, il y avait des mecs habillés en noir, des sectaires. C'était qui, ces mecs ? Je ne vois pas de quoi vous parlez, c'était juste des personnes qui sont religieuses, des vêtements de religion. Ils nous ont attaqué. Là en fait, quand il dit ça, tu sais, parce que moi j'ai mon arme de service, et là donc je relève un peu mon manche, tu sais, mais sans les menacer, c'est juste pour leur signifier que j'ai une arme. Fais-moi un jet d'intimidation. J'ai fait 4. Ouais. 4 ? Ouais, du coup ça passe. Putain, mais faites des bons jeux en ce moment, c'est pas drôle. C'est clair. T'as le type qui se met à souffler, qui te regarde sale et qui fait D'accord. Et oui, donc. Accouche, vas-y. Bon. D'accord, c'est des. Il y a des personnes qui sont membres d'un culte qui font des prières. Certaines divinités, mais j'en sais rien, moi. Comment ça, t'en sais rien ? Il se fout de notre gueule, lui. Il a la robe de la secte et il veut nous faire croire qu'il en veut. D'accord. Je suis un membre, mais j'ai pas. Ce n'est pas moi qui m'occupe de toutes les prières, toutes les. Non, mais déjà, dis-nous ce que tu sais sur ce culte. Comment il s'appelle déjà ? Tu vénères quoi ? Très bien. En fait, c'est une personne qui s'appelle Mukunga. Qui fait des prières et en échange il nous donne des sommes d'argent, de la protection, un peu comme un gang. Et j'ai été recruté il y a pas très très longtemps, mais comment t'as été recruté? J'ai discuté avec beaucoup de personnes, il y en a un peu partout dans les bars, dans les boutiques. T'as un contact à nous donner? C'était surtout des groupes comme ça. Mais c'est surtout Mukunga qui connaît tout, qui est un peu le gourou de cette secte. Tu sais où on peut le trouver, ce homme ? Il était actuellement dans la boutique, là, à l'heure actuelle où je vous parle. C'était le troisième qui s'est barré ? Non. Non ? D'accord. D'ailleurs, il était important, lui, parce qu'on l'a pas retrouvé, lui. C'était un pote à moi et il va rappeler des renforts, il va vous choper et vous allez mourir. Oui, je lui fous un coup de pied dans la gueule. Ok, fais-moi un jet de force. Non mais, ouais. 76. T'as combien? 90, c'est ça, je crois. Ouais, non, 4 aussi. Et t'as combien en chance? Je me rappelle plus que c'est la chance. Ah si, c'est là, j'ai 80. Sachant que je vais plutôt miser sur la chance. Faut que tu fasses quoi? Non, là ça va, c'est pour la suite. Bien, alors tu lui fous un coup, il tombe un peu à la bascule, enfin il est à la renverse, et saigne au niveau de la bouche. Et il fait. Ce n'est rien par rapport à ce qu'il va vous faire. Il se met à rire. C'est quoi la divinité que vous priez là? Je ne connais pas le nom de cette divinité, c'est quelque chose de secret et seul le maître de la cérémonie. Alors pourquoi t'as rejoint ce culte si tu sais pas la divinité que tu pries? C'est parce qu'il nous offre protection en échange. T'es un peu con, non, toi? Oui. Oui, tu pries un dieu que tu ne connais pas et que tu ne sais pas ce qui. T'es même pas sûr qu'il te protège en fait? Je m'en fous. Moi, je suis juste là pour la protection et pour la fraternité du culte. Putain, et je le frappe. Putain, mais c'est pas vrai. Je vais en remettre une. J'ai pas entendu les questions. Non, mais vous trafiquez quoi dans la boutique là? Vous faites du commerce d'œuvres illégales? Vous faites quoi là-dedans? Non, il n'y a aucun commerce illégal. Tu connais Carlyle? Tu veux que je libère mon ami là? Tu veux que je lui enlève les menottes? Non. C'est vrai que ça me démange un peu. Hein. Pendant ce temps-là, il y a le deuxième qui se redresse et qui bouge légèrement, mais pas trop. En fait, il a l'air de reprendre légèrement connaissance. Écoutez, j'ai un plan. On va l'emmener à côté et lui faire croire qu'on a tué son pote. Comme ça, il pourra nous parler. D'accord. Ouais, ça c'est bon. Vas-y, libère-moi, je vais m'en occuper. Non. Bah si, libère-moi quand même. C'est bon. Je te fais confiance, je te libère. Le deuxième, il pousse un étrange cri, genre comme s'il se réveillait d'un très long sommeil en mode. Bah, je le prends et je dis à l'autre, à celui qu'on était en train d'interroger, tu vois celui-là, bah lui il est mort, tu le revois plus. Si tu parles pas, c'est ton tour. Je l'emmène et je me barre et je me cache un peu plus loin. Et je lui mets une grande tarte pour pas qu'il parle. Refais-moi un jet de force. 56. Ok. Tu remets une tarte et tu... Ah, je lui mets un baillon aussi, c'est bien ça. Ouais, tu lui mets un baillon, ouais. Tu mets une tarte et voilà. La tarte, c'était gratuit. T'avais pris le... J'ai pris celui qui venait de se réveiller. Ouais. Pour l'emmener plus loin, okay, pour pas qu'il puisse le voir. Et je fais croire que je l'ai tué. Ouais, mais t'es tout seul avec lui. Pourquoi, ouais. Enfin, tu l'as pris tout seul. Ouais, bah ouais, sans problème. Ok, fais-moi un jet de... Ça pue la merde, ça. Pour convaincre. Persuasion. C'est... Oui, d'ailleurs, persuasion. Enfin, je sais pas le mot persuasion. C'est quoi ta compétence si, sociale persuasion. Si, il y a. Moi, c'est intimidation que j'ai. Non, t'as persuasion. Non, persuasion, t'as persuasion. 10% peut-être. Ouais, à la rigueur, t'aurais 10%. J'ai fait 16. Ouais. Ah, c'est con, ça. T'as fait 16? Ah, c'est dommage. Attends, je cherche persuasion. Je l'ai peut-être. En haut à droite. Ouais, en haut à droite. Ah non, j'ai que 10. Oh, fais chier. Il te regarde avec un sourire et fait tu mens. Tu n'es pas comme ça. Je te crois pas. Ah ouais? Eh ben, je casse le bras à l'autre. Refais-moi un jet de force. 28. Ok, il se met à pousser. C'est un une réussite haute. Ouais, ok. Alors, tu chopes son bras et tu mets un grand coup de genou au niveau de son bras. Il se met à hurler. Se met à hurler de douleur. Je pense que tous les autres, vous avez entendu son cri, le cri du mec. Et il fait quoi, mais c'est pas bien. Qu'est-ce que... Bon, d'accord, on a essayé de vous tuer, mais c'était qu'un détail. Puis là, je lui mets un baillon, du coup. Ah non, merde, je me suis perdu. C'est lequel que j'ai cassé le bras? Bah, celui c'est le deuxième. T'as fait croire qu'il était mort. C'est ça. Ah. Coup, ah bah là, voilà. Là, il me croit peut-être un peu. Là, peut-être plus. Oui, il y croit peut-être plus. Ouais, ouais, il y croit un peu plus. C'est un peu de l'intimidation, ça, non? Et là, du coup, cette fois. Je pense moi, que tu peux faire un jet d'intimidation et ça. Ouais. T'as pas mal de. Ouais, 47, c'est bon, c'est large. Ok. Il se met à souffler avec son bras, son bras un peu ballant. Il fait. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je sais plus. On veut quoi, poule? T'es tout seul avec lui. En plus, il est loin, donc tu te retournes et il fait. Ah, au fait, on veut quoi, poule? Mais non. Non, parce qu'il est mort lui. Du coup, je fais quoi? Je reviens vers vous. Et là, je fais bon. Tu vois la bande que j'ai. Franchement, si tu veux survivre, t'as intérêt à vraiment tout nous dire. Parce qu'il est un peu mort lui. Et là, pendant qu'il dit ça, moi, je suis en face palm. Je suis. C'est pas possible. Bah moi, je vais rejoindre Xiao du coup. Refais-moi un jet de persuasion. Ou si t'as. Moi, qui c'est à moi? Poule, ouais. Ok, j'ai baratin ou persuasion? Les deux fonctionnent. Prends et bah, baratin. Celui qui t'arrange. 95, chier. Oh, mais il est mauvais! Dommage. Je peux y aller, moi? Et il te fait. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, je me doute. Et là, je sors. Puis il regarde un peu plus loin et il voit son pote qui a l'air en vie. Donc du coup, il sourit, il a un petit sourire de satisfaction comme s'il avait réalisé que c'était du bluff. Ok, j'arrive vers lui parce que je le vois. Non, je peux... Oui, laisse Clément. Merci. Moi, j'en ai marre. Deux de mes amis sont morts, on est en train de déconner. Alors Xiao, t'es bien gentil, mais tu te calmes un petit peu. Moi, je vais voir le mec qui est en train de parler, là. Je le prends par la gorge et je lui demande de se mettre à table. T'as de l'intimidation? Ouais, persuasion, 60%. Ok, oh, utilise ton sort de persuasion. 35. Très bien. Donc là, il se met à... Voilà. Je vois cette scène et je le regarde et je fais c'est joli. Ta gueule. C'est bien. Et tu te tais. Il te regarde, il regarde son bras. Il te regarde. Il regarde son bras. Il fait très bien. Ok, on est un culte. On voit un culte. À quoi? Parle ou tu veux ramasser? Est-ce que je peux sortir mon flingue pour vraiment le l'aider à... Non, parce que tout à l'heure, je lui ai juste montré. Là, je le sors, tu vois, je le pose devant lui. Et tu le charges. Ouais, et je, tu sais, je mets l'amorce. Et pas fait tirer accidentellement une... Que l'amorce est avec toi. Ok, bah c'est Mukunga, il arrive à parler aux divinités, il arrive à voir des choses qu'on ne voit pas, il nous a montré des choses incroyables, il y avait des sortes de créatures devant nous, et il arrive à invoquer des esprits. Et pour ça, nous lui devons obéissance absolue. Quel est le nom de ton culte? Je n'ai... Parle! Ouais, dis pas que t'as pas de nom, hein. C'est le culte de la chauve-souris. Oh putain, j'en étais sûr. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce Mukunga? Il est actuellement dans la boutique... Tu te fous de ma gueule, on en vient! Bah, il était l'autre, c'est l'autre. Comment on accède à la... Il était dans cette boutique, mais dans une autre pièce. Et est-ce qu'il y a, il y a des sous-sols cachés dans cette boutique? Il te regarde seulement. Et là, je mets l'arme contre sa tempe. Putain, t'avais fait combien comme jet? Moi? Tout à l'heure, ouais. À propos, quel jet? Pour le convaincre. Le baratin? Ouais. Non, c'était... C'était moi, j'avais fait 35 sur... T'avais fait 35 sur combien? 60%. C'était une réussite ordinaire? Ouais, réussite tranquille. Ouais. Je te regarde et fais... Oui, il doit y avoir un passage quelque part. Et il a pas envie de lâcher le morceau, tu le sens. Mais même avec l'arme contre sa tempe? Ah, tu viens de... Ah oui, ah oui. Okay. Refais un G, cette fois-ci intimidation. 39, mais j'ai pas d'intimidation, donc ça ne passe pas. Ah, zut. Il parle ou pas? Je te mets un dé bonus avec ton arme. Et je relance? Ouais. Mais t'as intimidation normalement. 52, mais oui, j'ai 10% quoi. Ah oui, t'as 10%. Il ferme les yeux et il fait oui, il y a un passage, mais il dit rien de plus. Je les vois de loin, est-ce que je peux communiquer avec eux et leur dire est-ce qu'ils parlent? Fais-moi un G. Oh ouais? T'es si loin que ça? T'étais pas parti, je crois. Bah, je suis à côté. Il me voit parce que moi, je, comment dire, j'étais parti sur le côté du bâtiment. Il y a le gars qui est un peu mal au point. Puis à moi, je me suis décalé pour les regarder. Et du coup, je leur demande est-ce qu'ils parlent. Et j'ai fait 52. Et je sais pas à quoi ça correspond comme stat. Ok, bah t'entends ce qui se passe. Ouais. Et du coup, je leur demande est-ce qu'il a parlé. Et là, du coup, quand ils me disent. Alors, est-ce que je fais un point un peu non RP? Mais là, tu sais, Martin Poole, tu vois, là, j'imagine qu'il pourrait sortir sa matraque et qu'il pourrait commencer à tabasser le mec, tu vois, en lui brisant des membres. Et du coup, ça aurait un impact sur sa santé mentale, mais en échange, est-ce que je pourrais avoir un bonus sur le fait d'avoir les infos, tu vois. Non, par contre, t'es vraiment un connard, parce que moi, j'ai pas le roi et toi, t'as le roi. Oui, mais c'est mon personnage. En ce moment, je sais pas si c'est le moment de faire des actes... Allez, vas-y, fais-moi un jet de... Putain, tu le frappes, du coup? Bah ouais, je sors ma matraque, tu vois, j'ai un D6 plus un D4 de... Intimidation avec des bonus. Ah, mais intimidation, j'ai rien. Mais tu voulais utiliser quelle compétence? En vrai... Force. Ouais. Force, tu intimides pas avec la force. Enfin, tu peux réussir à... Ouais, il le frappe juste. Juste par sur sa 10. Y a pas de... Si je fais moins de 10, c'est RA, tu vois. Ouais. Tu frappes et tu poses des questions après. Hein. C'est une très bonne solution. Ouais, vas-y, essaye. C'est pas un jeu frappe, je fais réponds. Le G. J'ai fait 22. Relance. Et un des bonus. Allez. Oh putain, 26. Et là, pendant que tu le frappes, il fait « Mais j'en sais rien, c'est tout ce que je sais, je sais rien, mais lâchez-moi, putain !» Ok, je vois ça et je demande à Clifford « Viens surveiller le cadavre !» Et moi, je vais le voir et je lui en fous une. Ok. On va voir si l'intimidation, ça marche pas. Zéro, je sais que tu débutes dans notre langue, mais va surveiller le cadavre. Vas-y, vraiment. Refais-moi. On en est là. Tu peux pas surveiller un cadavre, il est mort. Si, tu peux, mais c'est pas très utile en général. Oui. Ah, 66. Ok. Bah c'est parce qu'il est mort, je l'ai tué le cadavre. Intimidation, du coup. Ouais, intimidation force, comme tu veux, de toute manière, ça réussit. Fais les deux, fais un deuxième jet. J'attends que tu rates un jet depuis tout à l'heure. 5. Ah, ok. Il va avoir mal. Donc tu l'as frappé, ok. Et ensuite, quand, en fait, dès qu'il te voit, il y prend peur, il fait non, pas lui, pas lui. Faut arrêter le boum boum. Faut arrêter le boum boum dans la tête. Ok, il y a une trappe secrète qui est située sous le tapis dans la boutique là où il y a le. Là où il y a les ventes, là où il y a la caisse. Maintenant, laissez-moi tranquille. Et sur ces révélations, ouais. on va écouter Fast Forward avec une cover de Tennis Court et on vous revient tout de suite sur Indestar. Venez, approchez, on vous embarque avec nous. 20h30, 23h sur Indestar, entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Venez, approchez. Venez, on approche encore. Le MJ a mangé. Maintenant, c'est l'heure de pleurer. Tu es très littéraire aujourd'hui, Warl. Une petite allitération tout à l'heure et la petite rime. Amusant, n'est-il pas ? Tout à fait. Du coup, maintenant qu'il a parlé, on fait quoi ? C'est une bonne question. Et bien, c'est là, question. On vient d'apprendre donc que la personne qu'on a kidnappée est membre du culte de la chauve-souris. Non mais excuse-moi, vas-y, continue. Et qu'il y a une trappe sous le magasin où on avait été. Et puis surtout, on sait qui est à la tête de ce fameux culte là. What? Oui. Un dénommé Mukanga. Ouais. Qui est apparemment le leader de la secte du culte de la chauve-souris. Ouais, c'est bizarre. Enfin, on a l'impression qu'il a l'air vraiment de posséder des pouvoirs surnaturels. Enfin, c'est vraiment chelou ce. Oh bon. Bah oui, t'as pas écouté le mec, il est. Pas trop, j'ai pas tout compris. Bah en fait, il y avait certains mots, je les comprenais pas. Il a l'air. Enfin, le mec qu'on a tabassé, enfin, qu'on a interrogé, il a l'air vraiment convaincu que d'avoir vu des créatures horrifiques, enfin, des trucs surnaturels invoqués par ce créateur, enfin, par ce prêtre. Ah, d'accord. Ah oui. Bah du coup, faut qu'on y aille. Ouais, mais pour régler le problème de nos deux clampins là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment quitter la scène de crime et moi je vais appeler des potes à moi qui vont venir les arrêter et qui vont faire disparaître les preuves en même temps. Tu voulais pas juste les buter ? Ah non, bah non. Inspecteur, ils vont parler de nous, non ? Non, t'inquiète pas, mes potes. Attends, je vais m'arranger pour pas qu'ils parlent. Non, on va pas tuer, mais mes potes vont leur faire comprendre qu'il faut pas qu'ils parlent, quoi. D'accord, okay. Super. Mais je peux lui casser un petit bras quand même ? Parce qu'il était chiant, lui. Non, ça ne sert plus à rien. On a eu les informations que vous voulez, on va arrêter de le massacrer. Zéro, tu commences sérieusement à m'irriter. Du coup, je m'approche de lui et je lui dis, tu parles de nous, tu es mort encore plus. Encore plus. Fais-moi intimidation. Un jet d'intimidation, tiens. Moi, en attendant, je précise que je suis toujours dehors à surveiller. 64. T'avais 90, donc ça passe. Donc il te regarde salement et il ne parle pas. Ok, je recommence mec. On va peut-être avancer. Non, du coup, je dis à mon chauffeur, on va attendre que les flics viennent et après tu nous emmènes à la boutique. Ça me paraît le mieux à faire. C'est risqué de retourner à la boutique, surtout maintenant que ça fait deux qu'on va là-bas, mais je pense que c'est une bonne idée. La prochaine fois qu'on y va, il faut qu'on y aille avec un plan en fait. Ouais, mais ils s'attendent pas à nous voir de retour aussitôt. Clifford, pour avoir l'effet de surprise. Fais-moi un jet de chance et d'intelligence pour voir. Oula. Par curiosité, juste personnelle. Ça va être le bang. Alors chance. Chance, c'est où chance ? C'est là, en dessous de points de magie. Ah, j'ai 60 et j'ai fait 9. Ok. Et intelligence, ouais. Intelligence, je suis bon. Hein. C'est où ? C'est en haut. En haut ? Ouais. C'est. Intelligence. Ah oui, pardon. IT. INT. J'ai 90. Ah, si tu rates. J'ai fait 67. Ok. Tu te rappelles que ton pote qui avait été tué à la base, Jackson Elias, avait été tué par les membres de la secte de la chauve-souris, donc c'était par eux-mêmes. Ah ouais, du coup tu te rappelles que ton pote a été tué par les membres de la chauve-souris, oui. Et tu sais pas... Ça je savais. Et tu fais un peu le lien en réfléchissant, en te disant, ça se trouve, c'est lui qui a tué ton pote en fait. Le mec à côté là ? Ouais, ça se trouve. Enfin, t'en sais rien, mais tu réalises qu'en fait, les mecs que t'as croisés, que t'as tapé tout ça, si ça se trouve, c'était eux qui, depuis le début, tuent des gens et laissent la marque sur le front. D'accord. Donc est-ce que j'ai un accès de rage ? Tu fais le plus de lien. Pour l'instant, t'as plutôt réussi l'intelligence, donc tu arrives à contrôler un peu ton corps. Tu peux décider d'avoir un accès de rage. Tu décides de ce que tu veux. Xiaou ? Oui. Tu souviens quand je t'ai interdit de toucher à ce mec? Ah ouais, c'est triste. Je vais te montrer ce qu'il faut pas faire, Xero. Oh oui, et, le drame. Et là, quand je vois ça, je sors mon arme et je braque. J'ai rien fait encore, hein. Enfin, quand, oui, mais oui, d'accord. J'ai juste dit. Je chope la main de l'instant. T'as parlé ou t'as chuchoté? Oui. J'ai parlé à Xiao. Ah, ouais, mais bah quand j'entends ça, je sais que tu vas vouloir te venger et du coup je sors mon arme pour. J'interviens et je chope son poignet et je lui dis non, laisse-le tranquille. Ça me met encore plus. Et intimidation pour mais le coup. Quoi? À quel moment tu vas faire non, mais faut pas taper, hein, c'est pas bien. Bah ouais, non, moi je fais. Non c'est non, c'est à l'inspecteur Poule que je le fais. C'est à moi quand d'accord. Je sors mon arme. Ah, je lui dis laisse-le faire. Ok. Intimidation. Pas sur l'inspecteur Poule. Mais comment je fais pour éviter ça là? Mais tu l'évites pas, tu le laisses faire. Ah non, laisse-toi faire. Ça sera mieux pour toi, t'auras moins mal. Eh hey, attends, t'es encore menotté toi? Non, il m'a démenotté. Ah, il l'avait démenotté. C'était une erreur ça. C'était une erreur. Ouais. Fais un jet d'intimidation et toi, Poule, un jet d'esquive. Esquive, attends, j'ai où ça? Il est mort. Esquive, attends, c'est... j'ai 25. J'ai fait 21, ça passe. Putain! 25 en esquive. En ouais. Comment? En combien? En réussite? Normal. Normal. Et toi en. J'ai fait 29, et du coup, l'intimidation, ça fait une réussite haute. Ah, c'est une réussite. Ok. Donc, t'essayes de. Enfin, il te prend la main. Après, j'y vais fait, gentiment. Ce qui se passe, c'est que moi, je sors mon arme, tu vois, pour le braquer vers Clifford. Ouais. Oui, mais moi, du coup, moi, je te prends ton poignet et je te le mets en l'air, et genre, laisse le faire. Donc tu peux rien faire. Donc il te lève le poignet en l'air et vous vous regardez ensemble et on s'embrasse. Et pendant ce temps-là, j'ai de séduction. Pendant ce temps-là, je mets un coup de pied dans la gueule du présumé tueur. Oh, c'est bon. Ok, vas-y, fais-moi un jet de force et ouais. 23. J'ai 40. C'est une réussite normale. Ok, tu lui fous un pied dans la gueule. Et tu lui mets un pied, t'essayes de lui mettre un pied un peu dans la gueule. Bon, tu vises un peu au niveau de entre la mâchoire et l'épaule au final. Et il tombe à la renverse, il se cogne la tête. Et il meurt. Non, il est pas mort. Il est un peu sonné, mais ça va. Ça, c'est pour mes amis morts à cause de toi. Poule, qu'est-ce que tu fais? T'essayes de te dégager? Bah du coup, maintenant que l'action est passée, je libère mon... Oui, je le lâche, mon bras et tout va bien. Quand je rentre mon arme, je fais quand toute cette affaire sera finie, on aura tous des comptes à rendre. Ouais, c'est ça, ouais, on en reparlera. En même temps, si ça se trouve, ce mec, c'est lui qui a tué Jackson Elias, on n'en sait rien. Et alors, c'est pas une raison pour le tabasser gratuitement, alors qu'on a toutes les informations qu'on veut. Ouais. Écoute, c'est clair. Oui, mais c'était pour avoir des informations. Après ce qu'on vient de vivre, t'as pas le droit de nous juger, d'accord? C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que on aura tous à répondre de nos actes après cette affaire-là. Si on a de la chance. Compris. T'as pas vu les chats morts? C'était nul ça. Ça me donnait faim. Oh non, sorry. Non. Bon. C'est vrai, c'était des chats. Oui, devant les paniers. Oui. Alors petit rappel pour l'histoire, pour menacer, ils avaient mis des chats morts en dessous des paliers de l'hôtel où vous étiez. Xiao, on a eu deux morts. Et mais ce qui t'intéresse, c'est des chats morts, toi. Ouais. Et il est quelle heure là, du coup? Là, il doit être à peu près minuit une heure. Il faut décider de ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaye de retourner maintenant dans la boutique? On est loin de la boutique. Non, pas trop, je pense. Non, ça va. Enfin, en 10 minutes, c'est traversé. Quoi. Alors, pour moi, il y a deux options. C'est soit on y retourne maintenant, mais sans plan et sans grande marge de manœuvre. Soit on y retourne, soit on y va demain soir à minuit, avec dans la journée le temps qu'on soit préparé, qu'on ait régénéré un peu de force et qu'on ait pu aller acheter 2-3 bricoles pour nous aider. Ouais, mais on aurait un bon effet de surprise si on y allait soir, parce que on vient de les attaquer. Ils vont pas se douter qu'on les réattaque tout de suite. Bah non, justement, ils sont sur leur garde. Bah non. Tu vas pas te douter que quelqu'un va te réattaquer tout de suite. C'est impossible. Enfin, c'est pas logique. Enfin, moi, je me fais attaquer, je me dis pas, je peux aller me coucher tranquille, ils vont pas revenir. Bah. Écoutez, en tout cas, faut y aller le soir, parce que le soir, la boutique est fermée. Bien donc sûr. A priori, on sera plus discret. Mmh. Bien sûr. C'est pas faux, ça. Donc, après, l'autre option qui est aussi faisable, hein, c'est que je fasse jouer mes contacts et qu'on débarque à 20 flics dans la boutique et qu'on fout le spoil. Ça c'est bien, ça me plaît. C'est une bonne option, oui. Ouais. Surtout que je connais pas mal de flics racistes et qui peuvent le faire sans poser de questions. Même des pas racistes, hein, ça ira. Hein. Ouais, mais alors sans préciser tout ce qu'on sait. Quoi. 1920, tout le monde est plus ou moins raciste. Oui, bien sûr, mais. Sans parler du culte et tout le bazar. C'est ça, t'inventes une histoire, genre il y a un gang là-bas qui sévit, on a le chef de gang et puis c'est bon, quoi. On peut faire ça, je pense. On peut faire ça ce soir et si on voit que ça donne rien, demain, nous on y retourne en personne demain soir. Ouais, moi ça me va. On peut pas aller avec eux, avec tes collègues ? Bah si. Vous êtes pas vraiment personnel. Vous pouvez regarder de loin, mais je peux pas vous mettre dans la scène en même temps. Quoi. Moi j'ai vu qu'on avait une compétence imposture. Oui, puis on dit qu'on est avec toi au pire, et tu dis qu'on est avec toi. D'accord, on peut essayer. Et tu nous dégotes des uniformes ? Et tu veux pas s'emballer un Mars ? C'est une question. Je suis déjà plus riche que toi. Non, mais les uniformes, c'est compliqué, surtout que je suis parti de la brigade criminelle du NYPD, donc c'est juste un costume qu'on a, en fait. On peut être des intervenants, en fait, en ta faveur. Le seul que je pourrais pas... Le seul que je peux pas vraiment introduire, ça va être Jacob. Jacob. Bah, tu te fonds pas trop dans la masse, déjà rien qu'au niveau de l'odeur, donc... Comment ça ? Non, mais de toute façon, je comptais pas venir, je comptais juste rester dehors et puis surveiller. La dernière fois, ça m'a plutôt bien réussi. Le mec, sa vie, en fait, c'est de surveiller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Non. Attendez, coup, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Que vos yeux d'aigle. Chauffeur, prépare la voiture, fais chauffer. Est-ce qu'on y va directement ? Bah déjà, là, si vous voulez que j'appelle des flics, il faut qu'on rejoigne une cabine téléphonique pour faire une descente chez la brigade Zouzou. On va aller faire ça, okay. Je pense. Et ben, on prend les deux mecs, enfin, je prends les deux mecs et je les remets dans le coffre. Mais non. Non ? On va pas se trimballer avec eux. Laissez-les là et moi j'appelle des flics qui viendront les prendre. D'accord, bah je les attache bien solidement. D'accord. Très très bien. Et à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est leur briser. Oui ! Oh putain, non, c'est lui qui a proposé. Je déconne. Une petite jambe en moins, ils courront moins comme ça. D'accord. Donc on va se diriger vers la cabine téléphonique, mais avant, on va écouter Birds of Wales avec la chanson Every Mile and Passing Year. Bienvenue dans un monde fantastique. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Bonsoir à tous. Ceux qui nous rejoignent, je meuble le temps que notre cher MJ finisse sa pizza. pizza. Qui m'a donné une part de pizza ? Jacob ? Oui. T'as un bonus. Cool. T'as un des bonus pour surveiller. Ah, la pizza, ça marche pour te comprendre ? Je croyais que c'était juste la bière. Il y a les deux. C'était le secret, ça, la pizza. Ouais, c'est la dernière émission qu'on l'apprend, hein, si je savais ça. Ouais. Donc, on se dirige vers la cabine téléphonique pour appeler tes collègues, inspecteur Poul. Très bien. Je vous le fais réussir automatiquement, évidemment. Ah ça. Oui. C'est l'heure. Donc, vous appelez la police, vous cherchez un peu du renfort. Ouais, bah, je leur dis, voilà, il y a des trucs bizarres qui se passent à la boutique Joujou. J'ai entendu parler de commerce illégal, de regroupement entre bandes, armées. Enfin, genre, je mets le ton vraiment alarmant, quoi. En mode, il faut faire une descente cette nuit, c'est ce que on peut tous les choper et en envoyer plein... plein en zonzon. En zonzon dans le panier à salade. Ah bah ouais. Très bien, on va ramener du monde. Ah le bon mauvais. Hey, Poul, n'oublie pas les deux autres à l'usine. Juste avant de finir, il y a deux mecs qui sont arrivés là. Ils sont tombés par accident. On sait pas trop comment ça s'est passé. Il faudrait aller les chercher. Si vous savez, puis voilà, faire un petit coup de nettoyage quoi. Ils font partie du trafic. Ah oui, ils font partie aussi de la boutique Joujou. Et ils sont tombés par accident, hein, tu l'as bien dit. Ah oui. Tu fais un petit clin d'œil au téléphone. Tu sais, je ferais clin d'œil. Au téléphone, à la radio, donc ça marche doublement pas. Parfait. Tu sais, t'as le flic, enfin le flic au bout du téléphone, il dit donc, ah oui, tombé. Donc oui, tombé, clin d'œil. Il raccroche d'ici une vingtaine de minutes, il devrait faire l'intervention. Parfait, c'est le temps qu'on va mettre à arriver là-bas. Aller se positionner devant, ouais. Histoire de se positionner, ouais. Ok, chauffeur, vas-y. Très bien. Chauffeur, t'es champion. Et là, ça l'encourage, il se met à accélérer, vous arrivez un peu plus tôt que prévu. Je lui dis, t'auras une prime. Ça, c'est un cheat code, hein. Ça passe. Vous avez pas eu d'accident sur la route. surtout que là il pleut, donc la visibilité était un peu moins bonne. Vous arrivez un peu plus tôt. Une petite pluie s'abat. Il arrive au niveau de par là où vous êtes rentré discrètement. Il s'est garé côté pas loin de la porte que vous avez forcée et cassée. Okay. Moi, du coup, ce qui se passe, c'est que je me mets au niveau de l'entrée officielle, pas là où c'est discret, parce que j'attends les copains flics, tu vois. Donc, je me mets un peu, tu sais, en amont de la route pour vous repérer les bagnoles de flics et. Ok. Je pense que nous autres, on attend derrière. Dans la voiture pour être discret, okay. Et éviter de mettre poule dans l'embarras. Moi, j'attends derrière la porte de derrière. Et Jacob, tu sors pas tant qu'il y a les flics. Est-ce qu'on entend toujours les tambours? Vous entendez pas de tambour là. Vous êtes un peu trop loin pour les entendre. Il faudrait s'approcher au niveau de l'entrée de la maison qui est abandonnée pour au moins entendre. Ah oui, c'est vrai. Donc là, il y a un peu plus d'agitation. Il doit y avoir 2-3 personnes au niveau de l'entrée. Et à l'intérieur, il y a des lumières qui bougent. Vous savez pas trop ce qu'il y a exactement. Mmh. On attend. Un peu flou via la pluie. Mmh. Vous attendez, et là vous voyez. GIGN. 2-3 voitures de police. Police qui arrivent, qui se garent avec les sirènes et qui se déploient un peu tout autour du bâtiment. Je leur fais des grands coucous pour dire que je suis avec le mec, la poule. Là, moi j'essaie de repérer le sergent en charge de la descente. Faut que tu nous introduis. Ok, quand tu fais un coucou. Putain, mais débile, putain. Bah ouais, mais si tu leur dis pas. Mais il faut me laisser jouer avant. Ils se retournent et en te voyant, ils s'approchent vers toi. Ils arrivent avec les armes en main. Pendant qu'il y a une petite unité qui se déploie un peu plus près de l'entrée de la boutique. Pendant ce temps-là, il y a ceux qui sont à l'entrée de la boutique qui rentrent dans la boutique assez rapidement. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je repère le sergent en charge de la descente et je l'avertis de la situation. Je lui dis que j'ai 3 civils avec moi dans la voiture qui sont témoins de ce qui s'est passé, notamment de la fusillade qu'il y a eu récemment avec la mort de James Cooper. Et en même temps, du coup, je l'avertis qu'à l'intérieur, il y a des hommes potentiellement armés. Une trappe. Ouais, armés jusqu'aux dents et qu'il y a un passage secret aussi en forme de trappe sous le tapis à côté de la caisse. Ok, très bien. Il y a les unités qui se déploient, donc ils sont à peu près 8 à peu près. Non, une quinzaine. Je vais regarder. Une quinzaine, s'il te plaît. Je regarde. 30 Je vais regarder. 60. Ils sont venus avec 3 fourgons. Hein. Ouais, 3 fourgons. C'est du SWAT, hein. Ils ont des gilets pare-balles. 50 personnes. Ok, bon, ils sont 11. Ah oui, ah, compté, tu vois. Oui, bah je regardais, j'ai pas vu, ils étaient un peu cachés. Ouais, mais 11 plus 4, on est 15. C'est bien ça. Donc il y a l'équipe qui appelle, qui réclame avec un haut-parleur, enfin une espèce d'haut-parleur, mais à l'ancienne, cuivré, en hurlant dedans, rendez-vous, vous êtes cerné, tout ça. Et personne ne bouge, il reste encore dans la boutique. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il décide de donner l'assaut. Oui, oui, ça devient excitant. Et ils meurent tous. Et ça explose. Parce que pourquoi pas. Non, faut pas dire ça. Au moment où la police donne l'assaut, il y a une grosse explosion. Putain. Non. Mais non. Ça n'existe pas. Ça explose juste devant eux et ça se met à brûler. Vous sentez la chaleur qui... Qui presque pourrait brûler vos poils. C'est par l'entrée principale. Ouais, il y a eu des jets de projectiles incendiaires. On sait pas trop ce que c'est. Ça a pris feu en fait juste devant. Il y a quelques policiers qui sont touchés, qui repartent rapidement vers les voitures en flammes, qui fuient. Et pendant ce temps-là, comment ça, des flics fuient? Quand t'es en flamme, tu pars. Hein. Bah, tu meurs. Mais les flics, ils sont pas explosion proof. Hein. C'est ça. Faut se calmer. Pendant ce temps-là, t'en as d'autres qui sont carrément en train de tirer à vue dans la boutique derrière les flammes. Vous entendez des tirs. Enfin, ils sont énervés, quoi. C'est un peu le dawa. J'ai une petite question. Est-ce que par derrière, c'est encore possible d'entrer? Il y a pas de flammes par l'entrée de derrière? Il y a pas de flammes en fait. Bah, du coup, je rentre avec les 3 flics. Juste des flammes, juste au moment où les flics sont rentrés, il y a eu un gros jet de flammes. Comme si dès qu'il est ouvert la porte, boum, Froda. Bah du coup je rentre avec les trois flics qui ont fait le tour avec moi. Mais ils connaissent pas les flics. Oui mais ils savent que je suis un civil. T'essayes de passer par le passage... Par le derrière, ouais. Ok. Sans titre. Il va tellement mourir. Oui c'est ça. Tout seul? Non je suis avec trois avec flics. Trois flics. Ouais. Il y en a que trois qui sont venus par derrière. Les autres sont passés par devant. Vous allez me laisser parler bordel. Ah merci. Est-ce qu'on suivrait pas Clifford? Il est où lui? Qu'il fasse des conneries. Bah on est dans la voiture avec toi. Mais non je suis pas dans la voiture. Moi j'étais déjà dehors. Mais je non c'est à moi qui parle. Ah d'accord. Ouais pour éviter qu'ils se mettent dans l'embarras. Ouais. Bah ouais je pense. C'est une bonne idée. Ouais. Bah du coup on le suit. Le pire ennemi de Xao c'est lui-même. Oui. Oublie pas ton arc, Jacob. Toujours, toujours dans mon dos. Très bien. Vous rentrez dans la petite maison abandonnée. Mm. Et au moment où vous rentrez, vous tombez avec nez à nez avec quatre personnes armées. Avec des faux et ils se retournent vers vous, ils vous attaquent. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je sais pas, les flics ils tirent peut-être avant. Ils sont plus rapides, ils ont des flingues. Mais pas sûr qu'ils soient plus rapides que toi. Pas plus rapides que moi ? Ils sont entraînés à ce genre de situation là. Oui, ils sont entraînés, mais après Xiao Tung a un peu plus de réflexe que les autres. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'en chope un à la tête et je lui. Après, j'ai pas précisé qui était devant en particulier. Attends, ouais, laisse parler. Faut pas que je le tue. T'es passé devant les. Enfin, moi j'avais visualisé que t'étais parti avant les flics, mais les flics sont partis avant toi ou. Bah, ils étaient à côté de moi, mais c'est vrai que je suis plus rapide. Je suis passé devant parce que je suis un connard. Ouais. Non, mais vu que t'es du genre à passer devant, je me suis dit, passé devant, les flics sont derrière, c'est pour ça. Tu as totalement raison. Donc tu tombes nez à nez avec. Je m'avance vers l'ennemi le plus près, puis je lui tords le cou. Ok, tu l'attaques. Basta. Oui, c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Alors tu fais un jet de force en difficile. Surtout qu'ils ont tous des armes. Et sur une réussite extrême, tu peux lui tordre le cou, sinon tu le frappes. Ouh, putain. On va pas le dire. Non, t'as fait 93, c'est ça? Ouais, c'est ça. 93. Okay. Oups, je l'ai dit, pardon. J'ai le droit à une deuxième chance, normalement. Pas en combat. Ah. Chè. Exactement. Mais par contre, si je me rappelle bien, la dernière fois, on avait emporté les armes dans le coffre. Les deux faux des. Au tout début. Ouais. Au tout début, mais ils ont d'autres équipements. Alors qu'est-ce qui se passe du coup avec le jet foiré? Oui, alors avec le jet foiré, tu marches en avant un peu en mode zombie. Maman, tété. Avec les deux mains en avant. T'essayes de lui tendre le. Enfin, tu mets tes deux mains. Ouais. En lui chopant le cou, enfin, c'est pas ce que t'essayes de faire. Et à ce moment-là, il te donne un coup de boule. Pouf. Tu perds 2 points de dégâts. Coup de tête balayé. D'accord. Coup de tête. Tu recules. Et juste derrière toi, t'as les deux flics qui se pointent. Il y en a 3. Oui, il est 3. Mais il y en a que 2 qui tirent. Ils sont mauvais. Oui. Il y en a 2 qui tirent et ils touchent 2 membres qui basculent en arrière, qui se mettent à pousser des hurlements et qui se mettent à se tordre au sol de douleur. Donc, si je comprends bien, il en reste 2 encore. Ouais, sur 4 personnes, il ne reste plus que 2. Pour rappel, Clifford a une arme offerte par James. Oui, moi j'ai un pistolet. Hein. Ouais. Mais il s'est passé des trucs que j'ai rien pu faire pour l'instant, moi. Tu nous as pas suivi? Bah si. Je suis à côté. Si, mais c'est pas un autre jeu. Tire. Si tu viens tout juste de, tu viens tout juste d'arriver en deuxième. C'est Clifford. Moi. D'accord. Donc t'avais une arme en main, tu l'avais chargée. Ouais, j'ai un pistolet. On va se laisser de. On va te dire que tu l'as chargé. Ouais. T'arrives, tu vois deux policiers devant toi en train de tirer et abattre 2 personnes. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, je vais faire comme eux, je pense. Hein. J'essaye d'abattre le troisième, ils étaient 3, hein, c'est ça? Fais-moi un jet de dextérité. Dextérité. Je suis pas ouf. Moi, t'as une compétence spéciale pour tir. Non, moi je suis un antiquaire, je suis un antiquaire, mais je suis pas tire. Un manuel. Le lancer de base, James lui avait filé juste parce que il avait peur pour lui. J'ai 35 en dextérité et là j'ai fait 28, donc ça passe. Dans combat à distance, il y a une compétence arme de poing. J'ai 20%. C'était 20%. Et t'as fait combien? 28. 28. Ah, quel dommage. En premier, t'as demandé un jet de dextérité. Hein. Ouais, c'est clair. Dextérité, c'est bon. Il faut, il faut regarder si tu l'as, la compétence arme de poing. J'ai 20% comme tout le monde, quoi. C'est dommage. Et donc là, je refais un jet. Ça veut dire qu'il sait pas servir d'un pistolet. Dextérité, ça a marché, mais là, c'est arme de poing. D'accord, vas-y. Fais un jet arme de poing. 17. Je m'en même pas, viens voir. Tiens. Alors, pour ceux qui sont pas dans le studio, qui n'ont pas vu dans le studio, je vais faire un bon gros bras d'honneur à notre cher MJ. Est-ce que j'ai mis un dé malus? Ah non, c'est à Thomas que tu mets le dé, hein, pas moi. J'ai réussi, je suis cordial. Non, mais j'étais en train de me dire, ça aurait été tellement drôle que tu fasses un échec critique. Ouais, j'avais peur aussi. Et que tu shootes les deux policiers. J'avais très peur. On a un coup, il tire les deux. Ah, ou Xiao, mais... Xiao était devant moi, j'aurais pu. Aucune pitié, il aurait abattu les flics. Par contre, ça c'est intéressant à savoir, est-ce qu'il a tiré sur le mec qui était en face de moi, ou est-ce que les flics ont abattu celui qui était à côté de moi, ou plutôt celui qui était le plus éloigné? Ceux qui étaient sur les côtés, parce que t'étais entre les deux. Ah merde, je suis au milieu. Ah putain, c'est vrai, je suis con. Sandwich. Donc ouais. Je tire et qu'est-ce que ça fait du coup? Tu tires, t'en touches un. Ouais. Tu lui fais. Mal. Ouais, tu lui fais mal, oui, c'est ça. C'est parfait. Tu le touches au niveau de l'épaule. Il se met à. Il bascule pas en arrière comme avec les policiers. Il se met à. Il se tient l'épaule et il pousse un grand cri également. Il a lâché son arme du coup. Oh putain, fais chier. Ok. Il en lâche son arme. Il a fait tomber par terre. Et il se met à hurler de rage en essayant de retenir le sang. Parfait. Pendant ce temps-là. Y a pas Jacob aussi qui le tuait? Ils avaient une chatte pas possible. Si, moi je suis là aussi. Hein. Ouais, il va peut-être tirer avec son arme. Oui, c'est tirer sur le dernier, ouais. Vas-y. Et bah, je tire un arc sur le dernier. Fais-moi un jet de. Je sais pas s'il y a une arme particulière. Si, j'ai compétence tir à l'arc. Ah bah voilà, tire à l'arc, vas-y. J'ai 65 et j'ai fait 26. Bla. C'est bleu. Putain, plein de tête. Vous avez une de ces chattes, ouh, ça, c'est incroyable. Ça, c'est le retour de confinement, alors on est chaud, on est patates. Et là. Les dés aussi sont contents. Oui, la preuve, y en a qui ont fait des échecs critiques parmi les adversaires, et deux fois d'affilée. Ah, c'est beau ça. très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui tires une flèche. Mort. Tu lui tires une flèche. Il se prend une flèche pas dans le genou cette fois-ci, mais il se prend une flèche dans le bide. Ouais. T'as pas pu viser celui qui était devant Teddy, enfin devant Xiao. T'as pu que tirer sur l'un sur les côtés qui tombe à l'inverse. Et pendant ce temps, c'était déjà pas tombé. Hein, c'était déjà pas déjà mort. Il y avait celui qui avait la main sur l'épaule. Ah, il a tiré sur lui. Ouais, il a tiré sur lui. Ah d'accord, il l'a achevé quoi. Il était un peu à découvert, donc là il est tombé par terre. D'accord. Et pendant ce temps-là, t'as celui qui t'a mis un coup de boule, qui sort sa faux et qui la brandit en l'air et qui te la plante dans l'épaule. Je peux tenter l'esquive? Après tout. Non. Comment tu ça, te non prends 4 points de dégâts. Je peux pas tenter l'esquive. Non. C'est pas logique ça. Parce qu'il a fait une réussite méchant critique en fait. Je suis face méchant. Hein. Parce que je vois esquive, en fait c'est dextérité divisé par 2. Oui, tu peux. En temps normal, t'aurais pu esquiver, mais. Mais là, t'as pas voulu. Non, j'ai pas voulu, hein, je suis un connard. Ok, bah du coup, s'il m'a planté la faux, bah je prends la faux, je me la retire. Enfin, je joue avec lui hein, pour qu'il me la donne. Hein. Puis bah j'essaie de lui en foutre un coup. Ok, t'essayes de la récupérer et de lui redonner un coup en même temps. Ouais. Et là, je lui coupe la tête. Enfin, okay, j'essaie. Bon, bah fais-moi un jet de force en difficile. T'as une épaule en moins pour encore en difficile. Oui. Les enfants ne parce que pas ça chez vous. T'as deux actions en même temps. Donc et puis surtout, il a une arme plantée dans l'épaule. Et j'ai surtout hâte qu'il se trompe en fait. Putain. Ah, c'est là. Chier, 82. Ah, chier. Voilà. Ah, toi, tu vas tellement mourir. Parfait. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Ok, donc. Je voulais pas mourir tout de suite, moi, je voulais faire des coups de pute. Bon, allez, je vais être à moitié sympa. Mais tu cherches la merde un petit peu, Xiao. Tu réussis à te retirer la faux de l'épaule. Comme ça, tu arrives à lui donner un coup. T'arrives à lui donner un coup en retour et ça le fait reculer légèrement en arrière. C'est une hémorragie en plus. Mais le maître du jeu, il est devenu gentil. Sauf qu'en la retirant, en fait, tu l'as mal retiré, tu repères 4 points de dégâts d'hémorragie. Voilà, là je te retrouve. Oui, mais j'attendais la fin pour qu'il ait un peu d'espoir. Tu veux savoir combien il me reste de points de vie ou pas? Oh putain, il va mourir ce con. Michael, le MJ, c'est celui qui donne une sucette à un bébé et qui lui enlève rien que pour le voir pleurer. T'as combien de points de vie du coup? Bah. Non, attends, il y a un silence là. Qu'est-ce que. Vas-y, t'as combien? Si je me fie au chiffre que j'avais, je devais en avoir 10. Ah bah t'es mort. Mais je sais pas en fait, vu que j'ai pas gommé. Mais bon. Bah 4 moins 10, 6. Ouais, non, mais ça fait 4 moins 4, il a eu 2 points tout à l'heure. Et ouais, ça fait 0. Bah, ça fait 0. Ouais. Donc tu tombes dans l'inconscience. Donc là, il faut que tu pries pour que Clifford ou Jacob te fasse un jet de premier soin et te redonne un ou deux points de vie. Donc tu me fais un test de constitution. Oh bah ça va être bon ça. Donc déjà tu avec tout le sang que tu perds, tu ne sens plus ton corps, tu te sens partir en fait et tout d'un coup boum, il y a tout la masse musculaire de Xiao qui s'effondre dans toute cette poussière. J'ai pas de bruitage pour ça. Et il tombe au sol. Fais-moi du coup ton geste de constitution. J'ai fait 76 et j'ai 80. Waouh, wow. Ça passe, mais ça passe. Ok, tu restes conscient et tu as conscience de tout ce qui se passe. T'es juste au sol et tu te mets à respirer un peu rapidement, mais t'es encore conscient. J'ai des bandages sur moi. Ouais, mais t'es inconscient. Non, je suis conscient. C'est il pour a les dit. Deux autres. Ouais, t'es conscient, mais enfin, il va pas faire un bandage. Tu peux pas bouger en fait. Je sais pas, il l'a pas dit. Si, il a dit que tu sentais plus ton corps. Ouais, mais je peux peut-être le bouger. Non, essaye pas de négocier. Ça dépend ce que tu veux bouger, mais ça risque d'être compliqué. Je suis un guerrier, je suis un warrior. Mais un mec du kung-fu. Un guerrier mort, c'est plus trop un guerrier. Enfin, c'est toujours un guerrier, mais c'est plus compliqué. Plus tu négocies, t'es dit, plus Warl va avoir envie de te faire de la merde. Hein. Oh, c'est pas grave. C'est la dernière, faut bien se. Faut tout donner. Il y a encore combien d'ennemis debout? Là, il y en a. Il y a que celui que j'étais en face de moi, ouais. Un, je crois qu'il est debout. Ah, c'est ça. D'accord. Y en a, en fait, il y en a un qui est debout. Il y en a deux qui s'est fait tuer par les flics. Deux qui essayent de se relever vite fait et un qui est au sol. Mmh. Et c'est à qui de jouer là du coup? C'est aux flics. À moi, aux flics. D'accord. Je compte à moi. T'es même pas là, toi, t'es okay, même pas rentré. T'as les flics qui foncent. T'as les deux flics qui foncent vers les deux qu'ils ont tiré et ils continuent avec une salve de coups. Bah, bah, bah, le bâtard, il les achève. C'est quoi ces flics? Comme des sacs. Ah non, ils sont énervés là. Ils sont vraiment énervés. Ça c'est cool. Quand il y a des collègues blessés, alors ça y est. Hein. Ils se sont fait cramer la moustache et ils ont pas aimé du tout. Tu sais, la moustache un peu à la Magnum, puis voilà. t'en as encore une qui a une petite flamme dessus. Ils foncent sur les types au sol et il les menottes. Ils empêchent de se relever, ils les menottent direct. Et pendant ce temps-là, c'était à Clifford, tout simplement. C'est à moi? James, pardon. Ah, James. Il est plus là, James. Hein. Il a fait quoi, lui? Parce qu'il était... Non, pas James, Poul. Non, Poul. Poul, voilà. Il était devant le bâtiment avec ses flics. J'avais vu ta tête et je l'ai assimilé à James par habitude. Mais du coup, alors Poul, il était devant le bâtiment, mais il entend des coups de feu, il peut peut-être venir... Oui, bah justement. Ce serait bien de faire le tour. Là, en fait, je suis devant le bâtiment. Et quand je vois mes collègues rentrer, en fait, je rentre tout simplement avec eux pour faire le ménage avec eux à l'intérieur du bâtiment. Donc tu retentes une percée dans le bâtiment par la porte principale? Ouais, avec d'autres collègues. Putain, il est chaud, lui. Au sens propre. Ouais, c'est... Merde. Bah, je me dis, si c'est un piège, il a été déclenché. Il devrait pas y en avoir un deuxième. Oh putain, j'ai... Non, c'est sûr. Le MJ est en train de rire, c'est oh pas bon. Oh la... Ça s'est mal barré, ça. En gros, quand vous êtes pris une explosion, c'était une réussite critique. Ah oui, d'accord. Et c'est une deuxième réussite critique. Tout n'avait pas explosé. Comment c'est putain de possible, ça? Attends, qu'est-ce qui se passe techniquement, là? Techniquement, il va réussir à mourir deux fois avant que je meure. D'accord. C'est n'importe quoi. Deuxième salve, les policiers rentraient. Je suppose que tu vas me dire que t'étais en avant ou en arrière? Bon, j'étais en arrière. Ouais. Je vais faire... Fais-moi un jet de chance. Non, en vrai, pour être RP, j'étais devant. Aïe. Ok. Il y avait lui flic avec lui. Attends, chance c'est quoi? Parce que j'ai pas de chance moi là-dessus. Attends. C'est Kenny quoi. Oh c'est mon dieu, ils ont tué Poul. J'ai pouvoir. Pouvoir égale chance, je crois, c'est ça. Non, c'est ta chance. Tu l'as en dessous de points de magie. Parce qu'on a des petites feuilles, hein, je rappelle, et du coup on a plein de petites stats très sympathiques. Ouais, après, la chance c'était. Bah, sinon, la chance c'était pour savoir si t'étais en avant ou en arrière. Mais du coup, non, je suis en avant. T'étais en avant, ok. Donc t'étais en avant, tu rentres, tu vois qu'il y a quelques membres qui sont un peu cachés, et au moment où tu dégotes ton arme, tu vois un. Ah non, mais je rentre l'arme. Ouais, mais au moment où tu t'apprêtes à en viser un, je veux dire. Tu vois un projectile enflammé qui se rapproche de toi. Esquive. Et Esquive. Tu peux faire un jet d'esquive si tu veux. En difficile. Il va être difficile. Ouais, aussi, tu vas te quand même prendre. Tu vas te prendre moins de dégâts si tu réussis ce jet-là. Tiens. Oh. Yes. Bon bah, je fais 89. Ça a été assez risqué quand même. Oh là là. Ok, y a le, il y a le, tu vois le projectile au dernier moment arriver vers toi et. Cocktail Molotov. Ça explose. Ah bah c'est pique quoi. Tu te prends le cocktail Molotov en pleine tronche. Et avant de savoir s'il est mort ou vivant. Direct, voilà. On va écouter Lovra avec son remix de Let's Get It On. Bienvenue dans un monde fantastique. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. 5, 4, 3, bonne année. Non, c'est pas ça. Non, on va connaître le dénouement. Est-ce que l'inspecteur Poole va vivre ou mourir? Live or let die. Il s'est pris un cocktail Molotov en pleine gueule en rentrant dans la boutique Doudou. Non, pas Doudou. Juju. Bon bah je vous préviens, j'ai une mauvaise nouvelle. Il est encore en vie. Alors. Putain. Non, c'est une bonne nouvelle. Donc le projectile arrive vers lui. Il tombe juste à côté de lui. Sur un de ses collègues qui explose. Se met à brûler, il court. Et toi tu te prends plein de flammes qui viennent et qui commence à brûler ta peau, t'as encore le réflexe de courir pour essayer de te rouler. Mais par j'ai terre. Ouais, j'ai même mes vêtements, je peux pas genre les enlever d'un coup. C'est pas mes vêtements qui prennent d'un coup d'abord. Poule à poil. À poil quoi. Tu peux essayer de te mettre à poil et atténuer les flammes et tu perds 5 points de dégâts. Quoi? Ouais. Attends, je me prends un coup de faux, je perds 4 et il se prend un cocktail Molotov, je perds 5. Il a de la chance. T'es connard. Et oui, j'ai dit qu'il y avait une mauvaise nouvelle, mais c'était une mauvaise nouvelle pour moi. Bah, et pour nous. Très bien. T'es au sol, t'essayes de atténuer avec tes vêtements. Ouais, en fait, genre, où est-ce que je prends feu exactement? Partout. T'as eu à peine le temps de te retourner. C'est un peu au niveau des jambes et un peu du. Enfin, c'est vraiment. Ça monte. Bah, du coup, en gros, ta jambe droite et un peu ton veston qui crame et tu sens les flammes te chauffer la tronche. D'accord. Bah, du coup, j'enlève en fait rapidement mon veston et j'essaye d'étouffer les flammes sur ma jambe. Ok. Fais-moi un G. Dextérité, tiens. Allez, c'est pas le moment de me lâcher, Dédé. Meurs, putain. Meurs. Ouais. Il a fait combien? 94, j'ai 45. Ah ouais, ok, super. En fait, il a oublié qu'il avait une bouteille d'alcool dans son veston. En vrai, sur un échec critique, ça aurait été hilarant. Alors, il essaye de retirer son haut, en fait, et il reste coincé. Il voit plus rien, il panique, il tombe, il retombe au niveau des flammes. Il tombe dans les flammes. Oh putain. Et il continue de brûler pour l'instant. Il perd 6 points de vie maintenant. Je veux dire 5 plus 1. Non, 6 d'un coup. 6. Moins 5, moins 6. Il est mort. T'es sérieux? Bah, je suis mort en fait. Oui. Non, t'es pas mort, t'avais 13 points de vie, je crois. Bah 13, moins 5, moins 6, moins 3. Attends, ça fait quoi ça? 14. Ça fait 14. oui, je suis pas mort, effectivement, je suis à moins 1. Ok, alors tu me fais un jet de constitution. Oh putain. Je veux pas dire, mais il est que 22h, on est déjà à moitié mort. Ouais, j'ai réussi mon jet de constitution, j'ai fait 33 sur 65. Ok. Sachant que j'ai aucun camarade à côté qui peut me remettre de la vie. Ouais, si, mais attends, t'es flic. T'es encore conscient. T'as un autre flic qui vient vers toi qui est en train de te taper la gueule avec un. je perds des points de vie, c'est ça? Ça c'est marrant. Il est en train de te taper la gueule avec un objet, mais tu vois plus rien du coup. T'as le truc, ça tronche. Et tu sens que t'as des espèces de coups, ça doit être un coup de vêtement ou quoi que ce soit, mais tu te le prends dans la tronche. Et il tape, il doit y avoir un peu. Tu sens un peu de panique quand même venant de lui. Faut pas s'en déconner. Et ensuite tu te sens tirer un peu plus loin en dehors des flammes. Amusez-vous bien les mecs, je reviens dans à peu près 3 ans après ma rééducation complète et ma grève de peau. T'es inconscient pour l'instant, c'est tout, non? T'étais inconscient ou conscient, je sais plus. J'ai réussi ma conscience. Oui, t'as réussi, donc il est encore conscient là, t'es encore conscient, mais tu vois rien, t'as encore tes vêtements à la con sur la tronche. Ouais, donc il y a les vêtements en plus, ils vont fondre avec mon visage, formidable. C'est magnifique. Tu te sens tiré, donc là tu es un peu out. Pendant ce temps là que font les autres? Il reste toujours un adversaire ou il avait été tué? Il restait un adversaire qui était en face de moi. Il s'est juste pris un coup dans la tête, mais juste assommé, enfin Il est reculé en arrière, mais c'est pas, il a pas été gravement attaqué. D'accord. Jacob, est-ce que tu veux t'en occuper? Moi, je vais essayer d'aider les copains. J'ai moi le copain. Oui, si tu veux, y a pas de. J'ai pas beaucoup de compétences médicales, mais disons qu'avec une arme, je suis assez dangereux. D'accord. Pour les copains. Non, parce que moi, en premier soin, j'avais 50 en fait. Ah merde. Ah ouais. Mais il faut que je m'en occupe. Mais d'accord. Après, comme tu veux. Parce que. Non, on va les aider, c'est le plus important. Okay. Ah non, mais au pire. Et il y a toujours les flics PNJ. Oui, il y a toujours des flics PNJ. Bah, eux peuvent s'occuper beaucoup moins. Eux peuvent s'occuper du dernier mec qui reste et nous, on peut essayer d'aider les copains. Ouais. C'est vrai qu'on peut faire ça. Ok. Ouais. Attends, est-ce qu'on a vu que Poul il était tombé plein de flammes? Ouais, non. Non, non, parce que lui il est rentré par le devant et nous on est à l'arrière. C'est vous êtes rentré dans une autre pièce. C'est pour ça que la seule personne que vous pouvez aider c'est moi. Bah oui, bah Jacob tente d'aider Xiao. Ça c'est bien ça. Et bah je cours vers Xiao pour essayer de lui prodiguer les premiers soins. Et là je lui chope le bras et je lui dis j'ai des bandages dans ma poche droite. Ok, fais-moi un jet de premiers soins. Pendant ce temps-là, t'as le troisième policier qui était en retrait, qui crible de balles celui qui était devant Xiao, parce qu'il est tombé, donc il n'y a plus la masse qui gêne, et bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Le chargeur. C'est presque ça. Il tombe, l'autre secteur tombe, et n'a pas l'air d'être animé. Cool. J'ai fait 22 à mon jet de premier soin. T'as combien en premier soin? 50. Bien. Ok. Blablabla. C'est blabla. Majeur. Xiao, tu gagnes un point de vie. Bah, j'ai qu'un, quoi. Oui. C'est déjà pas mal. Est-ce que je peux dire un message à Clifford, du coup? Il est conscient T'es conscient. Okay. Ouais. Oui. T'es conscient, tu arrives un peu à bouger, à ramper. Okay. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao? Oui. Je le sens pas là, faut pas qu'on y aille, faut rappeler des renforts, faut qu'on se retire. Mais c'est trop tard, les renforts sont déjà là. Non, d'autres renforts, plus. Bon, en voyant la situation, moi je me dis que je peux rien faire, techniquement les premiers soins j'y connais rien. Donc je vais essayer de faire un jet d'objets cachés. Comment ça s'appelle? Trouver objets cachés. C'est la merde, le gars cherche des objets. C'est clair, alors qu'il y a peut-être des ennemis encore. En vrai, en RP, il fait un test d'observation tout simplement. Oui, voilà, j'observe ce qu'il y a dans la salle quoi. Ok. C'est dans là vous êtes dans le deuxième bâtiment où tout est désaffecté habituellement. Ouais, mais. Non, on est dans l'arrière de la boutique, par l'entrée arrière. Ah, vous êtes rentré. Parce que là, en fait, vous étiez au niveau du bâtiment désaffecté pour rentrer, pour essayer de rentrer dans la boutique. Ah oui. Et il y avait déjà des mecs, il y en avait 4 dans le bâtiment désaffecté. Oui. Et vous les avez butés, donc là, vous arrivez au niveau de la boutique. Du coup, si vous progressez en tout cas. Vous arrivez au niveau de la boutique. Si on avance, on arrive à la boutique en fait. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que je ferais pas mieux d'avancer? Tu peux chercher le passage secret. Je vais avancer dans la boutique. Ok, t'avances dans la boutique. Tu as fait trouver objet caché? Non, pas encore. 32. Sur combien? 75. Très bien. Tu passes au-dessus des corps qui commencent déjà à se vider de leur sang. Et au moment où tu vois, tu passes au niveau de la boutique, tu entends une grosse série de coups de feu. D'accord. Tu entends une grosse série de coups de feu et quand tu passes ta tête, en fait, tu vois que il reste plus que 2-3 personnes dans la boutique encore en vie. Ouais, il reste 2 personnes encore en vie dans des la boutique. Des policiers ou Non, des adeptes du culte. Et t'en as un qui est au sol avec un cocktail Molotov qui est à peine allumé. Et il y a les flammes qui commencent à se répandre. Et ceux qui sont encore en vie, ils sont touchés et ils sont mal en point. D'accord. Est-ce que je peux... Le cocktail Molotov, il est près de moi, là? Il est... Ouais, il est juste à côté. Je vais mettre ma veste dessus pour étouffer les flammes. Parce que s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de feu. Oui, en théorie. Non, pas en théorie. Mais si ta veste, non, ça prend feu. Oui. Bah, ma veste, elle est en cuir, ça va tenir. If you want. Très bien. Bah, je mets ma veste dessus et je me barre. Moi, j'ai de dextérité. Oh, pour balancer un linge sur un. Ouais, bon. Tu seras indulgent, j'espère. C'est pas bien. Oh, 19. Très bien. Tu arrives à éteindre le feu qui avait un peu commencé à se propager. Mm-hmm. Tu mets ta veste, ça fume un peu. Tu vois que les 2 personnes restantes sont mal en point et ils ont pas l'air de... Enfin, ils t'ont vu, mais ils répondent pas, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ou Tu as une très forte odeur de poudre à canon d'ailleurs qui te vient au nez. Déjà l'ambiance est assez sombre, c'est assez oppressant et vient en plus de l'odeur de la poudre et de la haine. Tu sens de la haine. Une montée d'adrénaline, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ok, donc il y a encore deux cultistes, non? C'est ça? Il en reste deux qui sont presque mourants, quoi. Ok. Est-ce que je peux directement aller à la trappe? Oui, tu peux aller au niveau de la trappe. Ouais, pourquoi pas? Parce que ça m'énerve de voir mes amis tomber les uns après les autres. Je veux savoir ce qui se passe ici. J'ai envie de réponse. Très bien. T'étais tout seul ou il y avait Jacob qui te suivait? Oui, moi j'ai suivi. Jacob, ouais. Il était soigné... pas en train de me soigner. Mais il a fini. C'est bon, c'est fait. Très bien. Tu vas au niveau de la trappe. Ouais, donc le tapis. Fais-moi, j'ai un test de trouver objet caché. 47 et j'ai 75. Donc tu vois la trappe et tu remarques aussi de l'autre côté qu'il y a des flammes au niveau de la sortie et tu remarques le lieutenant Poule au sol, du moins. Un peu étrange, il est à moitié torse nu au sol, mais avec tu reconnais les vêtements retournés au niveau de sa tronche. Tu vois Anakin Skywalker. Il n'a plus sa tête. Tu reconnais, mais il est au sol et tu vois d'autres policiers qui sont autour de lui en train d'essayer de le soigner. D'accord. Bah, je vais continuer vers la trappe, je pense. Sauf si Jacob, tu veux peut-être essayer de l'aider. Merci de l'empathie, franchement, ça fait plaisir. Actuellement, je ne vois plus rien autour de moi à part mon objectif. C'est-à-dire essayer de trouver ce qui se passe, pourquoi ces cultistes veulent tuer tout le monde, pourquoi mes amis meurent les uns après les autres. Voilà ce que je vois. Très bien. Tu ouvres cette trappe et tu t'enfonces dans les ténèbres, accompagné de près par Jacob. Oui. Tu dévales des marches d'un escalier qui grince petit à petit. Bah tu t'as dit que tu l'accompagnais juste après, non? Ah, j'ai dit que je l'accompagnais pour rentrer dans la boutique. Mais est-ce que moi j'ai vu le lieutenant Poule exact. Loin. C'est vrai que tu peux. Ok. Bah, pendant ce temps-là, tu descends des marches. Elles se mettent à craquer. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Jacob? Est-ce que tu l'accompagnes ou pas? Bah, est-ce que je vois moi le lieutenant Poule au fond? Fais-moi un test de trouver objet caché. On a dit que ça faisait quoi, 0-0? C'est censé être un échec critique. Non, c'est une réussite, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est une réussite. C'est pas beaucoup, c'est une réussite. Non, mais on s'était fait avoir. 0-0, il me semble que c'est réussite critique. Non, la dernière fois, on s'était fait avoir. Ouais, il a raison. C'est 100. Moi, j'avais eu ça, j'étais très content. En fait, non, c'est 100. Qu'on vienne pas dire que je suis un tricheur après. Non, c'est bizarre, okay. Ça, quand même. Alors, forcément, quand c'est pour m'aider, forcément, ça veut pas tricher. Eh, t'as qu'à pas faire le con. Tu suis Clifford qui était parti au niveau des escaliers. Et à ce moment-là, il y a une vieille lanterne qui pendait au plafond des escaliers. Et poum. Tu te la prends dans la tronche, ne vois même plus rien. C'est le projecteur dans les salles de théâtre. Tu es devenu aveugle. Tu t'es pris une espèce de truc dans les yeux qui chauffe un peu, tu ne sais pas trop ce que c'est. Tu t'es cogné et tu n'arrives plus à voir. Et déjà, dans les escaliers, tu étais, c'était presque les ténèbres, on ne voyait rien. Il y avait juste une petite lanterne. Et là, tu ne vois plus rien. C'est pour les auditeurs, vous pouvez imaginer une scène genre Tex Avery, tout ça. C'est ça. Imaginez que c'est le mec à l'art qui est aveugle. Toi, Clifford, tu vois en fait un escalier qui est tellement étroit qu'il n'y a qu'une personne qui peut passer à la fois. Enfin, d'accord. Sur le sens de la largeur, bien évidemment. Et tu vois également des sortes de runes gravées un peu sur les côtés. De cet escalier. D'accord. Fais-moi un test d'anthropologie. Oui, c'est ça. T'es sûr? Oui. Et pas. D'accord. C'est pas le truc pour les morts, ça? Non, c'est. C'est l'étude des sociétés. Ah, c'est ça. Tu veux pas estimation plutôt? Non. Bah, faut que tu fasses un. Tu veux pas histoire, un jet d'histoire? De mythe d'Octolo? Allez, lance avant que je change. Mais j'ai 0,1%, qu'est-ce que tu veux que je lance? Allez, on sait jamais. 99. 48. Bon, tu vois des symboles gravés sur les côtés. Putain, mais c'est génial. Et là, tu ne vois tout d'un coup plus rien et t'entends boum boum. Et en fait, tu vois la lanterne qui s'est pété la gueule, qui est en train de tomber un peu des escaliers. Ça va être tout noir. Ta gueule. Et tu arrives enfin en bas et tu vois une sorte de lueur sous une porte, mais c'est Attends, assez sombre. J'arrive en bas parce qu'on a dévalé l'escalier ou Non, non, t'es descendu normalement. D'accord. Ouais. Et Jacob, il est où lui? Il est derrière toi, mais tu l'entends pousser des espèces de cris, tu sais pas trop pourquoi. Tu t'en fous, t'avances toi. Je vais peut-être aller l'aider du coup. Comme tout de suite, on est gentil. Plus trop préoccupé par son objectif, hein. T'étais en train de te faire soigner, ça va. Ouais. Ben tu vois, je le vois, il est en train de... Je vais aller le soigner, essayer de lui faire les premiers soins, tout ça. Enfin, voir comment ça va, en tout cas. Soit. Donc, tu vas le voir, et toi, Jacob, bon, tu vois juste plus très très bien. Là, tu vois plus rien du tout, de toute façon. Ah, je suis aveugle. Tu sais pas. Tu vois plus rien. D'accord. Mais il entend peut-être quelqu'un venir vers lui. Tu l'entends, tu entends. T'es conscient, t'es debout, t'as les mains contre les murs, donc tu sais que... Tu sais que t'es là, quoi, t'es encore vivant. Jacob, il faut qu'on avance. Toujours okay. Debout. Je serai tes yeux. Quoi? Hein? Je serai tes yeux, Jacob. Tu seras mes yeux? Oui. Oui, d'accord, mais voilà. Là, ça va être un peu chiant pour descendre les escaliers. Je sais bien, mais enfin, il y a des marches. Tu mets un pied après l'autre et ça devrait aller. Prends-lui la main, putain. Oui, je prends la main, bah oui. Suis ma voix, Jacob, t'inquiète, ça va le faire. Il y a que 500 marches encore. Ok, on va faire le RP de l'escalier. Alors là, il y a une marche, tu mets ton pied, tu descends. Là aussi, là encore une marche, mais ton pied, tu descends. Ellipse. Ouais, voilà. Vous êtes en bas de l'escalier. Ellipse de 15 minutes. Plus tard. Voilà. 5 hours later. Vous êtes en bas des escaliers. Et là, Jacob dit, j'ai oublié mon arc en rouge. Et toi, Jacob... Non, il n'en aura plus besoin. Toi, Jacob, tu arrives à voir de la lumière en dessous de la porte, donc tu réalises en fait que tu arrives à voir, mais t'étais dans le noir, en fait, tout simplement. Ah d'accord. Okay. Non mais vraiment. Mais Clifford lui il s'en fout. Clifford il voyait très bien lui dans le. Mais. Quel. Non. Quoi. Voilà. Il était juste dans le noir. Là je regarde Clifford, je dis ah non en fait je vois. Putain mais t'es vraiment un con quoi. Hein. Moi non plus je voyais rien bien sûr. Bah je sais pas moi c'est devenu tout noir d'un coup. Bon on avance là. Ok donc vous avez une porte qui est fermée devant vous, qu'est-ce que vous faites? On la voit du coup, hein. Oui, oui. Non, je veux mettre trop clair, très bien. Vous la voyez. Eh ben, je vais essayer de l'examiner, la porte. Ok. Bon, on essaie de l'ouvrir. Ouais, l'ouvrir. Bon, l'examinant, si tu regardes un petit peu, c'est une porte en chêne massif et elle est renforcée par des bandes d'acier. Ok, donc forcer, ça sera compliqué peut-être. T'as essayé de l'ouvrir, hein. J'essaye de l'ouvrir. Tu descends légèrement sur la poignée et tu l'ouvres discrètement. Ça explose. Ouais, ouais, bah, j'y vais doucement, je à tâtons un petit peu. Tu arrives à l'ouvrir et en l'ouvrant, tu vois. Tu risques un œil, c'est ça? Tu fais. Ouais, ouais, j'ai un œil. Tu risques un œil. Littéralement, tu risques un œil. Tu vois, pour commencer, une pièce éclairée de bougies, quelques torches. Une pièce très grande, elle fait plus de 4 mètres de haut. Mmh. Tu vois au fond des espèces de tambours, plein de tambours. Qui jouent ou pas? Non, non, il y a personne. Il y a quelques tambours. En fait, vu que tu l'ouvres légèrement, tu peux voir uniquement ce qu'il y a à droite de la pièce. Mmh. Et il y a un grand inconnu de l'autre côté. Un grand inconnu? Bah, t'as ouvert la porte, tu regardes que d'un côté. Et tu veux dire un mec grand que je connais? Non, pas ou de l'inconnu? Non, de l'inconnu. Ça se trouve, il y a un grand inconnu qui t'attend. Mais c'est pas. Avec ou sans mousse? Non, parce qu'avec toi, faut faire gaffe, tu vois, au double sens, le tout noir, l'aveugle, tout. C'est ça. Je me méfie maintenant. Ok. Donc, tu ne sais pas trop ce qu'il y a à gauche de la pièce, mais à droite, en fait, tu vois plein de tambours. Ouais, d'accord. Tu vois des murs très grands. D'accord. Avec plein de gravures sur les murs. Et tu vois, en fait, qu'il y a une sorte d'énorme puits, mais gigantesque. Un puits de quoi, 2,5 mètres de diamètre. Au milieu de la pièce, enfin au milieu, un peu vers la droite, un peu décalé vers la droite, et un très très grand puits. Et en ouvrant un peu plus la porte, tu vois qu'au fond il y a un rideau qui est tiré au niveau d'un petit retranchement, un genre d'alcôve. Ouais. D'accord. Est-ce que j'entends du bruit dedans? Fais-moi un jet de... Ouais, trouver objet caché, tiens. 56, j'ai 75. C'est réussite ordinaire. C'est... Oh bah oui, c'est ouais, 75, c'est réussite ordinaire. Ok, t'entends pas spécialement de bruit. T'entends des petits bruits, mais tu sais pas vraiment si c'est... si c'est des insectes ou des rongeurs ou si c'est vraiment un quelque chose. D'accord. Mais t'entends un petit bruit. Je me retourne vers Jacob. Je lui demande, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on s'y risque? Je lui demande, ça te rappelle pas quelque chose, une pièce comme ça avec un puits? De quoi avec le puits? Ça te rappelle pas quelque chose, une grande pièce comme ça, en sous-sol, avec un puits en plein milieu? Un film, mais... Ça n'a pas vraiment de rapport. En plus, il n'est pas sorti en 1920. C'est énorme. Et il a une première soirée qu'on a faite, une exposition d'art. Il y a très longtemps. Il y a très très très longtemps. Quelques années. Il y avait un puits. Attends, j'ai un souvenir assez vague. Avec, il me semble qu'on avait entendu des bruits bizarres dans ce puits, qu'on avait essayé de lancer des allumettes éteintes et après des allumettes allumées. Je me souviens de ça. Ça me paraît bizarre quand même, cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? T'as rien vu de bizarre dans la pièce? Rien vu, rien entendu. Et bah... Ouais, pourquoi pas rentrer? Faut rentrer discrètement. Ouais, ouais, je pense. Vous rentrez discrètement? Ouais. Vous rentrez, vous voyez effectivement une salle qui est entourée de tambours. Il y a quelques coiffes de rituels qui traînent, des sortes de peintures, des peintures de sang ou rouge, pourpre sur les murs. Et en fait, au-dessus du puits, il y a une sorte de... Comment dire... une sorte de treuil, en fait. Un espèce de... Une sorte de perche, voilà. Qui a des lanières de cuir qui est suspendue un peu au-dessus du puits. D'accord. On avance prudemment et on essaye de jeter un coup d'œil dans ce puits. Vous rapprochez, vous regardez le puits et vous voyez qu'il est scellé par une épaisse chape en béton. D'accord, une dalle en béton dessus? Oui. Ok. Il paraît pas bien louche le rideau qui est au fond? Si, complètement. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller voir. Moi, écoute, j'ai fait tout ce chemin, bien sûr que je vais aller voir. Je vais pas repartir sans rien. Tu... Ouais, bon, d'accord. Moi, je te suis. D'accord. Je vais pas te laisser tout seul, j'ai une merde ou quoi. Merci. Je vais entrouvrir le rideau, voir ce qu'il y a derrière. Tu entrouvres le rideau. Doucement. Tu et passes ta tête. C'est vrai qu'elle a une pub. Ah ouais. Tu veux... Ouais, non, tu... Si, non, si, pas une pub, une musique. Une musique, effectivement. En attendant de savoir ce qu'il y a derrière le rideau, on va écouter une cover de... une chanson qui va très très bien au thème de cette émission. Une cover de Je l'aime à mourir. Par Chloé Staffler. À tout de suite sur Indestar. J'adore le happy ending. Venez, approchez, on vous embarque avec nous. 20h30, 23h sur Indestar. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. On est reparti, on va peut-être savoir désormais ce qu'il y avait derrière ce mystérieux rideau. Alors, pendant ce temps, je vais profiter pour faire durer un peu le suspense. Meanwhile. Pendant ce temps, le... Monsieur Poul était entouré de policiers qui étaient en train de... Policiers ? Oui, il était tiré au niveau des autres voitures. Les flammes sont éteintes et ils étaient en train de le... Le réanimer ? Un peu le réanimer, ouais. Et il a réussi à reprendre... In extremis. À reprendre vie. Et il est actuellement conscient, encore sur le sol... En train de respirer, il voit ce qui se passe aux alentours et il a conscience de ce qui se passe. Et il ne sait pas encore ce qui va se passer de l'autre côté, au niveau des rideaux, au niveau de Clifford. Clifford. Je suis bref mais intense. Tu veux dire quelque chose ? Eh ben, je suis impatient de savoir. Clifford ? Oui, c'est bon. Poul, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, est-ce que je peux puiser dans mes dernières forces en rappelant aux policiers qui m'entourent, genre dire « Laissez-moi et allez dans le passage secret !» Tu peux leur parler, tu peux leur dire ça, donc je te fais pas faire de jet Tu leur dis laissez-moi et allez-y. Ouais, et aller aider mes coéquipiers dans le passer par le passage secret. Ok. C'est plus important. Il y a un truc qui se trame. Je le sais. Je le sens. Il y a deux policiers qui partent au niveau de la maison et il y en a encore deux qui sont avec toi. Ils sont plus que quatre là en état à peu près de poursuivre. Pendant ce temps, en bas, Clifford ouvre le rideau. Oui. Et Xéo, on s'en branle. Parce que c'est la voiture qui va apparaître comme dans le Big Deal. Il regarde et il voit un homme en position tailleur. Il semble prier. Il semble ne pas bouger. Il a plein de peinture sur le visage, sur le corps. Et tu reconnais le logo, le symbole gravé, enfin dessiné sur son front. Ok, ça fout les jetons quand même. Oui, tu reconnais, tu vois un homme qui est en position de prière et qui semble méditer. Puis tout d'un coup, il y a une odeur pestilentielle qui te prend le nez, une puissante odeur qui vient te remonter jusqu'aux tripes. Tu sens quelque chose, mais infâme, vraiment infâme. Tu t'entends un souffle assez horrible. Est-ce que tu peux me faire un jet de trouver objet caché? Oui. 3. Et en te tournant, en fait, tu vois des sortes de gouttes qui tombent par terre. Une sorte de boyau. Tu remontes un peu ta tête et là, tu vois une créature humanoïde avec la mâchoire qui tombe, des dents et qui a des yeux bleus, mais des yeux brillants, qui se tourne vers toi et qui commence à bouger, tourner légèrement sa tête. Tu vois des griffes pleines de sang et tu vois une créature qui soudainement te saute dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je recule, j'essaye de reculer, de me diriger vers Jacob et qu'on se dirige vers la porte. Donc tu fuis, t'essayes d'aller au niveau de la porte. Oui. Et donc toi tu recules, tu essayes de courir. Pendant ce temps-là, Xiao, tu... non, qu'est-ce que je raconte? Ah merde, dommage. Jacob. Pendant ce temps-là, Jacob, tu vois ton camarade qui commence à partir en courant et là, tu vois une créature humanoïde, genre une sorte de cadavre avec les boyaux qui coulent partout, une chair bleutée presque moisie qui commence à le suivre, mais pas en courant, en marchant, en titubant, en poussant des cris. Qu'est-ce que tu fais? Il est loin de moi, Clifford, ou quoi? Il est à 5 mètres. Ça fait loin pour que je me retourne et puis que je parte en courant. Toi, tu es au niveau de la... Toi, t'étais au niveau de la porte, je crois. T'étais pas encore... Ah si, t'étais rentré, pardon. Oui, je suis au niveau du il est prix, à peu près à 3 mètres. Il est à 3 mètres? Ouais, à peu près. Donc la créature, elle court pas du tout, là. Elle titube. Elle titube, mais elle le suit quand même. Donc ça reste comme si quelqu'un marchait un peu vite. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? Là, il continue de se déplacer, il avance. Il est en train d'avancer. Qu'est-ce que tu fais? Je lui tire une flèche. Ok, tu dégaines une flèche. Tu tires une flèche, vas-y, fais-moi un jet de... Enfin, fais-moi un jet de d'arc. Compétence à l'arc. Compétence à l'arc. 48. 65. Oui, t'as 65. Fais-moi un jet de dégâts. Je sais pas combien t'as en dégâts, d'ailleurs. Dégâts, c'est 1d6. Ok, fais-moi 1d6. 6. Ok. Il se prend une flèche, ça lui transperce le ventre, elle passe même à travers, tu vois une sorte de bile qui coule, une bile verdâtre, et elle semble pas vraiment avoir été ultra affectée par la flèche. Enfin, ça lui a arraché des membres, mais... Ça lui a perforé comme un fusil à pompe. Mais c'est ça, mais elle continue encore de se déplacer en ignorant la douleur. En général, ne sens pas ça. Une forme de souffrance dans son visage, en fait. Tu sens du cadavre. Ah, et bah... C'est très mauvais signe, ça. Il s'est rapproché de moi, Clifford, entre-temps. Entre-temps, il a. Moi, j'ai essayé de me barrer. Donc, t'as commencé à fuir. Ouais, t'as commencé à fuir. T'es passé au niveau de la porte. Ouais, donc il est, ouais, il est dehors, là, Clifford. Il arrive à ton niveau. Ouais, je suis à ton niveau. Ouais. Je me retourne et puis on part tous les deux en courant. Ok, vous partez au niveau des escaliers. Vous passez la porte des escaliers et vous entendez plus trop de bruit de zombies, mais vous entendez qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Et quand vous remontez en haut des escaliers, vous voyez deux autres policiers qui arrivent vers vous, mais la voix que vous avez entendue venait d'en bas, là où il y avait les zombies. Ça, c'est moche. C'est étrange. Ça. D'accord, donc il faut remonter, je pense. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive. On s'en va. Hein. Ouais. On s'en va. Puis on reviendra, on prendra un cocktail Molotov à le balancer dans la salle. Ouais, mais on s'en va. Oui, là, oui. Ouais, on est d'accord. On reprend l'escalier. Attends, vous remontez ou vous descendez ? On remonte. On ferme la porte. Ouais. On ferme la porte. C'est bien joué. Non mais on ferme la porte. Non mais il y a toujours la porte à rouvrir quoi du coup. Mais c'est connu, les PNJ ne peuvent pas ouvrir les portes. Mais non mais si quand on redescend la porte à ouvrir, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Vous courez vers l'étage. C'est pas ça. Vous courez vers l'étage. Donc au passage, vous croisez les policiers qui sont juste devant vous en fait, et vu que les escaliers c'est un sens unique. Enfin, c'est tellement étroit que vous passez vraiment pas à deux. Ils vous bloquent le passage et vous n'arrivez pas à fuir. Qu'est-ce que vous faites ? On va parler avec eux, peut-être. C'est qui est devant ? C'est Clifford ou moi ? Faut gueuler vite, quoi. C'est deux policiers. Écoutez, on est en danger. Remontez le chemin et on verra ce qui se passe après, d'accord ? On parlera après. Non, mais vous inquiétez pas. On vous suit. Il n'y a pas de danger. Ok. Vous remontez. Enfin, les policiers, ils s'exécutent. Ils remontent. Vous arrivez tout en haut au niveau de la trappe. Vous entendez plus de bruit de zombies. D'accord. Comment ils vont, les autres ? Tu demandes ça à un policier ou... Ouais, Xiao et Poul. Ah, il n'y a pas à dire, mais ils sont dans un sale état. Enfin, en tout cas, notre lieutenant, il est dans un sale état, il est sacrément amoché. On a réussi à lui prodiguer les premiers soins. D'accord. Il survivra, hein, mais c'est pas beau à voir, quoi. Il a l'air vraiment dépité et tu sens qu'il aimait Martin Poul. Ok, qu'est-ce qu'on fait, Jacob ? Je prends Clifford à part et est-ce qu'on leur parle de ce qu'on vient de voir en bas ou... Je pense que c'est la meilleure chose à faire, ils sont armés. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller voir Poul avant ? Ouais, si, c'est une bonne idée. Je pense, hein. Ouais. Allons taper la discute au bord. Ou presque mort. Et au moment où vous dirigez vers Poul, il y a deux qui font « Mais qu'est-ce qu'il y a en bas ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui se passe ?» Une chose affreuse, une créature horrible. Et il y avait quelqu'un qui était en train de prier dans une alcôve. Je ne suis pas fou. Il y a les deux policiers qui se regardent. Oh, mais oui oh. En parlant de « Je ne suis pas fou », j'ai même pas pensé à ton jet de... Santé mentale. J'aurais été dans la description et j'ai même pas pensé à ça. Quel dommage. Mais on va faire ça maintenant. On va dire que tu as réalisé une fois à l'air libre. Après coup, genre quand tout va bien. On va regarder si t'en subis des conséquences. C'est souvent comme ça. Hein. C'est vrai. Et sur le feu de l'action, il a vraiment fui. Et c'est une fois qu'il respire à l'extérieur où il se dit « Mais attends, mais c'était vraiment ce que je pense. » Et là, fais-moi un jet de santé mentale. Je fais quoi ? Je fais. Tu me fais un G avec la compétence santé mentale qui est tout d'accord, en haut. Une 40. 79. Ok, tu me fais un G d'intelligence. Ah. Attends. Si, c'est trop tard, c'est trop tard. Attends, fais-moi. Intelligence. C'est vrai que ça a annoncé. Non, fais-moi d'abord des points de santé mentale déjà. Comment ça ? Lance-moi un D. Un des deux, j'ai une pièce si D8. Tu veux. Des 20. Des 8 Oui, c'est ça, des 8. Zombie égale des 8. Oh là là. 6. Ah, maintenant tu peux faire l'intelligence. Je suis à 34 du coup. Ok, alors. Non, attends. Je fais le jet d'intelligence, mais je perds 6 points de santé mentale. Tu perds 6 points de santé mentale et maintenant tu fais un jet d'intelligence. Alors le jet d'intelligence, c'est très particulier. Il faut que tu le rates. Quoi ? Ouais. Quoi ? Ouais. Ah, pour être con. En fait, si tu réalises ce qui s'est passé, tu deviens fou. si tu ne réalises pas ce qui s'est passé parce que t'es trop con, eh ben ça passe. D'accord. Mais moi, mon personnage, il est hyper intelligent. J'ai 90. C'est justement le problème. Tu risques de comprendre ce qui est arrivé devant toi et ça va faire mal. Pense au Xiao. Vas-y, j'ai étudié toute ma vie, mais j'espère être con cette fois. 75. J'ai réussi à manger, donc j'ai raté. Mais c'est pas la mort, c'est la... C'est pas la mort, c'est la maladie mentale, c'est différent. Alors là, tu repenses inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, à ce qui s'est passé avec Naomi, tu repenses à cette créature, tu repenses à tout ça et toutes ces idées te viennent d'un coup en tête, tel un flash, comme si cet air qui t'est rentré dans le nez t'est monté directement au cerveau et tu deviens dans une sorte d'hystérie, tu deviens énervé, tu as envie de tout frapper autour de toi, tu deviens incontrôlable et tu as une envie de vraiment massacrer et casser et tout détruire ce qu'il y a sur ton passage. Donc là maintenant, tu casses du flux. Tu es vraiment dans le... Il y a une sorte de voile de noirceur qui s'empare de toi et tu te sens... Oui, tu veux tout détruire ce qu'il y a autour de toi et tu veux frapper tout ce qu'il y a autour de toi. D'accord, j'essaye de frapper un policier. Donc là, il y a quoi à côté de toi? Il y a qui? Il y a Jacob. Il y a Jacob, un policier. Alors... C'est surtout Jacob parce qu'il parlait en privé. Oh putain, le bâtard. Ah oui. Le premier que tu vois, c'est un policier. Et tu sautes dessus, t'essayes de l'attaquer. J'essaye de le mordre, de le griffer. Ouais, t'essayes de le mordre et le griffer. Fais-moi un jet de force. Là, tu le vois et t'as l'impression de voir un peu le le zombie devant toi ou quelqu'un que tu es. Et d'un coup, t'as envie de lui sauter dessus. Je me jette sur le policier. J'ai fait 17 alors que j'ai 40, donc c'est une réussite plutôt cool. Il y a réussite standard plutôt cool et critique. Il va se faire buter par les flics. Mais non, c'est moi qui gagne pour l'instant. Oui, là. Par ce flic-là. Oui. Tu te mets à grogner. Ouais. Et tu sautes dessus et tu le croques au niveau de la gorge. Il se met à hurler de rage, enfin plutôt de douleur, tout simplement. Pendant ce temps-là, t'as le deuxième policier qui sort son arme. Toi, le premier, il a pas eu le temps de réagir. Il a juste eu le temps de bouger pour essayer de se débattre, mais ça n'a fait qu'enfoncer des crocs dans la chair. Le deuxième, il sort son arme et il fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Et pendant ce temps-là, toi, Jacob, qu'est-ce que tu fais? Alors, attends, stop. Est-ce que moi aussi, je fais un truc de santé mentale? Oui. T'aurais pas dû poser la question. Bah non, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais. Oui, non, mais tu fais un jet de santé mentale. Mais je le fais maintenant ou est-ce que je réagis avant à ce que Clifford y fait? De souvenir, c'est Clifford qui est passé dehors en premier, qui a respiré un peu l'air pur. Donc c'est toi le deuxième, donc ça, c'est legit. Et bah, je saute sur le policier pour lui... Donc attends, non, déjà tu me fais un jet de santé mentale. Ah, tu m'accompagnes, t'es un frère, hein. J'essaye de le mordre, je suis fou, et toi t'es là. Le mec, tout va bien, il a sa santé mentale tranquille, mais il attaque quand même. On va regarder si t'arrives à supporter un peu ça, de ce qui t'arrive. C'est quel dé? Santé mentale, en fait, c'est la compétence qui est en dessous de ta photo, là, si tu regardes. Ouais, mais je fais un dessin. Oui, c'est un dessin. 34. C'est un dessin. Oui. T'as combien? Je 70. Pense. 70, ça passe. Donc toi, quand tu remontes, tu as pas eu le temps de vraiment voir ce qui était en bas, en fait. C'était trop sombre... T'as cru. T'as vu une chose, mais t'es pas encore trop sûr de ce que t'as vu. Mais là, tout d'un coup, tu vois ton ami sauter à la gorge d'un policier et pousser des cris en essayant de le croquer. Qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, je vois que ça pour l'instant. Ouais, tu vois que ça. Et bah. Putain, ça fait flipper quand même. Ôtez-moi ça! C'est pas facile de le parler là. Je saute sur Clifford pour essayer de le mettre à terre. Ok, fais-moi un jet de. Dextérité. 7. Oh, joli! Tu vas prendre cher. Ok. J'ai 85. Tu veux essayer de quoi? Tu veux le choper les bras, essayer de le tirer le... Ouais, enfin, de le maîtriser, quoi. Très bien. Tu le chopes, tu le retires en arrière, il y a un effet de surprise. T'essayes de lui prendre un peu les bras et de le faire tomber ou comment exactement décrire? Ouais, de le calmer, quitte à l'assommer, je sais pas. Alors, t'arrives à le tirer un peu, essayer de le maintenir. Toi, Clifford, fais-moi un jet de force. Ça va. T'as senti quelque chose t'extirper de la chair en face et t'as qu'une seule envie, c'est de le châtier et de punir celui qui t'a, celui qui t'a touché, quoi. J'ai réussi, mon jet de force, j'ai fait 27, j'ai 40. T'as fait 27? C'est une réussite normale. Ah oui, il y en a marre, au bout d'un moment. Arrête tes jeux. Arrête tes jeux. Et toi, parle dans le micro, là. Arrête de rire sur tes jeux, au bout d'un moment. Là, c'est contre mes amis, je réussis tout, moi. Bah, coup de l'intelligence, c'est dommage, hein. C'est vrai que Xiao Tung, il n'a pas trop de risques. Ouais, c'est vrai. Il se retourne vers toi en te donnant une sorte de grosse baffe. Enfin, c'était un espèce de retour. De taquet, mon gars. De gros taquet dans la tronche. Tu recules un peu en arrière. Et lui, il prend pas des dégâts, bien sûr. Si, si, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est moins, c'est Iva, par contre. Hein. Oui, oui, tu prends 3 points de dégâts. Zblé. C'était une jolie baffe quand même. Zblé. Et au moment où oh putain. Attends, on va rigoler un peu. Ouais, parce qu'il y avait 4 flics normalement. T'as le temps de te prendre au moins 10 balles. Ok, alors le flic qui avait dégainé son arme te tire dessus, Clifford. Il se met à moitié à paniquer, à tirer dessus. Il y en a 2 balles qui t'éraflent. Je peux faire un jet d'esquive qui te rentre, non, qui te rentre dans Matrix, dans le torse. Tu perds 2 points de dégâts. Ouf. Avec 2 balles dans le torse. Putain. Non. Il y en a 2 qui sont passés à côté et une qui rentre. Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit. J'ai un doute tout d'un coup. Tu te prends une balle, tu perds 2 points de vie. Ouais, tu prends une balle, mais oui, elle t'a pas non plus. Elle t'a raflé, quoi. Elle t'a. Ouais, elle est raflée, mais 2 points de vie, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec une balle, j'en ai pris 3. Je suis à 11. Donc là maintenant, quand tu t'es pris le coup en fait, t'as repris conscience de toi-même en fait, tu viens de réaliser ce que t'avais fait. Tu te clines un peu des yeux et paf, déclic et tu réalises en fait que t'étais là, que t'as agressé un policier, qu'est-ce que tu fais? Tu redeviens normal. Bah, je commence par m'excuser à tout le monde, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, je suis pas comme ça, je suis désolé. C'est pas ma faute, monsieur l'officier. J'avais faim. Mais même moi je trouve ça chelou, genre un mec me mord et oh non excuse-moi. J'ai vu des choses en bas, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je vous promets que je suis pas comme ça. T'as le policier qui a du sang qui coule sur son bras. Et là, c'est il pas fait, très rassurant. Ok, c'est ok. Et là il fait à terre, au sol, à genoux. D'accord, à d'accord. Genoux. Je me mets à genoux directement. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Et là il arrive derrière toi, il essaye de te menotter. Pour te calmer. Ouais. Et bah, il te met au sol, il te maîtrise et il fait qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas, non? Excusez-moi, j'ai beaucoup de gens qui sont morts dans les derniers jours. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas moi. Ce que vous avez vu, c'était pas moi. Fais-moi un petit jet pour le convaincre. Persuasion. Ouais. Persuasion. C'est bon. C'est bon, mais c'est juste. Tout CG, ça quoi. Passe. 57 et j'ai 60. Là, ils font putain, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. C'est normal. Il reste un instant perplexe à te regarder au sol, avec les mains dans le dos. Comment on le comprend? C'est ça. Ouais, il y a rien à voir. Ultime. Et là, il fait bon. Je suis désolé. Je voulais pas mordre votre copain. Il se regarde entre collègues. Et petite paire de menottes. Ah bah c'est déjà fait ça, je suis menotté. Ah bon ? Ah bah cool. Et avant de savoir ce que va dire le flic, on va écouter. C'est vrai ou tu... Non, c'est vrai. Ok. On va écouter Alec Chambers avec sa chanson Cold. Venez, approchez, on vous embarque avec nous. 20h30, 23h sur Indestar. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Ouh. Ouh. Bah. Ouh. Ah, c'est un peu mieux, ça. Ça, c'est... Oui, c'est autre chose. Alors, reprenons. On en était où? Alors que vous reprenez tout juste vos esprits après cette attaque et un policier qui avait menotté Clifford, vous voyez une trappe la trappe qui est censée fermer. Vous l'avez refermée, je crois, c'est ça? Non, c'était la porte qu'ils avaient fermée. Et vous n'avez pas aussi fermé la trappe? Non, pas du tout. Okay. Alors, vous voyez quelqu'un sortir de la trappe. On est trop. Quoi? Attends. Oui. Quelqu'un sort de la trappe, d'accord. Ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui sort de la trappe. Oui. Et tu reconnais la personne qui était avec plein de tribales. En train de prier, là. Ouais, un homme noir. Avec plein de tribales sur le visage. Sachant que je suis la gueule contre le parquet, menotté, moi. Ouais, d'accord. Exact. Ah, bah, rip. Donc tu es dessus et tu vois cet homme avec une sorte de lueur qui brille de ses tatouages. Est-ce que c'est une lueur de gentillesse? Voilà, que tout. Et cette lueur. C'est de la gentillesse? Une aura de bienveillance. Qui dégage quelque chose. Et il se retourne vers vous. Oh, c'est quoi ce. What? Non, là, il voit. Comme ça, le mec. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh non, wow. Non, c'est raciste. Ça te va comme RP. Oh, c'est sale. Non, mais en vrai, j'aurais bien aimé imiter la voix du méchant dans Django. Je pense que ça collerait bien avec le personnage. Il sort et il commence à s'énerver. Et là, il voit les flics, il voit tout le feu. Il fait demi-tour. Pardon. Il fait demi-tour et il se barre. Il dans fait les un spectacle de claquettes aussi. C'est quoi son action random? D'accord. Et il fait. Il se met à hurler en redescendant et. J'imagine le. Non, c'est surtout que là où vous entendez des sortes de cris un peu étranges maintenant qui vient du sous-sol. C'est un cri ça ou c'est une tondeuse? C'est la cri tondeuse. Toi Clifford, tu reconnais l'homme qui était juste à côté du zombie et tu penses qu'il est parti faire protéger ou se retrancher parce qu'il sait qu'il est totalement à découvert en haut quoi. D'accord. Tout simplement. J'essaye d'interpeller les policiers en lui disant qu'il était dans le salon en bas avec une créature affreuse à côté qui ferait peut-être bien de le suivre. Ils sont gentils. Tu veux envoyer les deux policiers là-bas? Bah ouais, en les prévenant avant, ouais. Allez mourir, s'il vous plaît. Là, ils te font... Attendez, on veut un peu plus d'informations. C'est quoi cette créature? C'est quoi en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Écoutez, on est rentré. Il y avait des tambours dans la salle. Il y avait un rideau avec ce mec-là derrière en train de prier. Et au plafond, il y avait un espèce de zombie, une créature affreuse. Donc si vous y allez, vraiment faites attention. Alors... Attends, je lance mes dés, on va rigoler. C'est pas très. Je vais faire un jet de persuasion. Alors, ouais. T'as les deux qui se regardent. Il est con, lui! Il est con! Tu viens d'attaquer mon pote et tu crois qu'on va te croire? Non, ils ont l'air d'être à peu près. De croire à peu près, mais il y a un fort scepticisme. Ils font. Vous me croyez pas? Bah, allez voir, bande de cons! Bon, d'accord. Pardon. Je retire le bande de cons. Est-ce qu'on lui enlève les menottes? Il se regarde encore. S'il vous plaît, je vais pas vous faire de mal, c'est bon. Persuasion. Ok. S'il vous plaît, monsieur, je suis gentil, moi. 86, j'ai 50, ça passe pas du tout. Allez, plus. Bon. Alors, tu descends avec nous, mais on te laisse les menottes. Quoi? Non, je veux pas retourner là-bas. Je veux pas retourner là-bas, vous m'entendez? Pas humain, mon gars. Jamais. Jamais de la vie, je retournerai là-bas. Bâtard. Quel enfoiré, moi. Et Jacob, il fait quoi en attendant, lui? Parce que... Ah oui, effectivement. C'est quoi, là, c'est une belle, ce qui serait drôle, ce serait qu'avec les menottes, ils se cassent la gueule et t'as le zombie qui saute. Non, voilà. Non, non. Bon, Jacob, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, qu'est-ce que je fais? Je les vois descendre avec Clifford. Et attends, ils se sont juste mis debout là. Ils sont pas encore descendus. Je vais voir. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, non, mais je suis pas à côté d'eux, j'ai rien entendu. Moi. Il nous parle de zombies et qu'il y a des choses en bas. On a vu un homme redescendre, ouais, c'est un peu confus son témoignage. Il nous a parlé de zombies, d'hommes en train de faire des prières. Enfin, on vient d'avoir un homme passé, donc on pensait descendre avec lui en avant. Non, nous en avant et lui derrière. Vous lui laissez pas les menottes en descendant, tout ce qu'il vous a dit c'est vrai. Il dit qu'en descendant il y a des tambours dans la pièce, il y a un puits scellé au milieu, un grand rideau qu'on a ouvert, il y a l'homme qui était en train de prier derrière, et il y a la créature qui est descendue. Je lui ai tiré une flèche dans le ventre et bah, elle a pas bronché quoi. Fais-moi un petit jet de persuasion. Ah bah s'il dit que c'est vrai, Il a 0, non? Bah, je pense qu'il doit pas être loin quand même. Non, il a moins 10. Le mec, il arrive pas à te faire croire qu'il a acheté du pain. Qu'il y a un zombie en bas, c'est chaud quoi. J'ai pris deux baguettes. Non, non. Ah, mais les voilà, elles sont là, c'est les baguettes. Pas ta non, compétence non. De social. J'ai pas de compétence de social. Ah, oui, c'est vrai que toi, t'es associé. Ah non, il a 1 en social. Mais oui, oh, il a aucune chance d'aller convaincre. Non, mais de toute façon, j'ai fait 62. Mais en persuasion, t'as combien? C'est fini. Bon, ils font. Non. Non. Et je les suis alors. Ils descendent et ils font bon, ce serait peut-être plus prudent que tu passes devant que l'homme menotté reste ici tout de même. Oui, merci. À ce moment-là, il y a deux autres flics qui rentrent. C'est les flics qui étaient en train de s'occuper. C'est les flics qui étaient en train de s'occuper justement de Xiaotong. Ouais. Il y avait 3 flics avec vous. Ils étaient en train d'essayer de soigner, enfin de voir un peu comment ça allait. Et il y en a un qui est resté avec Xiao. Et t'es les pas deux... en train de me porter. Ce serait non. Cool ça. Enfin, fais-moi un jet de chance. Oh. En fait, c'est les PNJ qui vont finir la quête. Ouais, c'est... ouais, ça peut être drôle ça. 71. Attends, j'ai combien en chance? Ouais. Oh putain, j'ai 80. Ok, donc t'as deux policiers qui sont en train de te ramener vers l'entrée, enfin vers là où sont les autres. J'ai avec vous les gars. Vous voyez Xiaotong qui est traîné, mais difficilement quoi. Il doit faire 150 kilos de muscles, tu sais. C'est ça, les deux policiers sont tout rouges en mode. C'est pas meilleur. Je vais passer devant les gars. Hey, tu te mets en quinconce avec moi. Ils peuvent même pas me porter dans l'escalier, on passe qu'à 1. Bref. Ah non, là c'est mort, ils vont pas te porter dans l'escalier. Ils vont me lâcher dedans. Et là, les deux, ils font. Ils ont entendu la conversation avec les autres policiers qui disaient vaudrait mieux que vous restiez ici pendant qu'on descend. Et t'as les autres qui arrivent avec Xiao et qui font au pire, on peut les surveiller. S'il y a des problèmes, ça pourrait se passer comme ça. Non, allez-y, ils ont besoin de renfort. Sinon, je vous tabasse la gueule. Intimidation, intimidation. Non, non, mais là, ça marche pas, t'es... Oh, merde. Sinon, ils te lâchent. Poum. Tu perds un point de vie. Putain, pardon. Et tu te noies dans ton vomi. Oh. Non, je plaisante. Oui, du coup. Bien, donc, ils sont tous... Enfin, il y a maintenant 4 policiers... l'homme qui était descendu. Qu'est-ce que vous faites exactement au final maintenant? Et bah, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas là, donc je ouais, pas il dire. Reste plus que Clifford menotté. Xiaotong, il peut à peine parler. Il y a toi aussi, Jacob. Peut-être aller chercher le copain, non? Le poule? Ça sert à rien, je suis à l'article de la mort. Les gars, j'ai une idée. Allons chercher le mec inutile. Je vais descendre et me sacrifier pour voir s'il y a quelque chose. Non, oui, si. Non, c'est mort. Mais si, qu'il y a, lui, il est con comme un manche. Le mec, il va mettre une heure, tu sais, à descendre les escaliers à quatre pattes. Non, parce que s'il rate, en plus, il tombe les escaliers, il perd un point de vie. Oui, oui, justement, oui. Est-ce que je peux écouter, voir s'il y a encore du bruit en bas? Ouais, les policiers, s'ils sont encore en vie, c'est bien. Tu vas aller voir en bas, si t'entends, enfin, au niveau de l'escalier. Du haut de l'escalier, écouter. Alors, au niveau de l'escalier, t'entends pas de bruit, en fait. T'entends rien. Donc, ils sont déjà en bas? C'est les policiers. Ah, quand ils sont descendus Ouais. Ok, alors tu te rapproches... Alors on va faire ça rapidement. T'entends des coups de feu. Grosse série de coups de feu. Des cris. Des cris humains? Ouais, des cris humains, des cris non humains. Alors attends, parce que du coup, faut que je fasse les jets de tous les policiers d'un coup. C'est un peu long. Ouais. Ok. Donc t'entends plein de cris, plein de tirs. Ok. T'entends plein de tirs, plein de cris. Puis ensuite t'entends un silence. Et un peu plus tard, après un instant de silence, tu vois des policiers remonter en traînant un corps qui semblerait être celui de l'homme qui était dans un état étrange, celui qui avait des tatouages tribales qui brillaient. Oh, c'est la louche quand même. C'est les PNJ confinés. C'est les PNJ qui finit tout. Ouais, j'avoue, c'est un peu. C'est un peu triste. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah c'était ça au mourir, hein, les gars. Calmez-vous. Donc vous le voyez remonter avec un homme un peu inconscient. Enfin, il est encore conscient, mais il perd un peu de sang. Et il le repose au niveau de l'entrée, enfin à côté de vous. Cet homme est, a une grande tunique pourpre. Et il a il semble avoir des dorures un peu plus de bijoux, plus de choses. Enfin, il a vraiment l'air d'un plus charismatique que les autres. Les gars, laissez-moi l'interroger. Je vais lui mettre une baffe dans la gueule. Ta gueule. Fais attention, tu commences à perdre ton énergie, Xiaotung a parlé. Et puis tu parles, même mon âme aussi. Ça commence à être compliqué pour toi. Je peux demander aux flics ce qu'ils ont découvert du coup. Est-ce qu'ils ont vu l'espèce de zombie? Et ils viennent vers vous et enfin, vers toi et ils font. Oui, on a vu des choses bizarres. Il y a des collègues qui ont vomi, mais on sait pas trop encore ce qui s'est passé. On aurait dit un humain qui aurait été. Frappé, mutilé, c'est pas trop. Enfin, maintenant il est mort, il a essayé de nous attaquer, donc on a réussi à le descendre. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'était troublant. Vous voyez que je suis pas fou en tout cas. Bon, vous avez dit un zombie, c'est peut-être compliqué, mais oui, ouais, c'est vrai que ça ressemblait à un zombie. Mais il y avait quelque chose. Est-ce que je peux regagner des points de santé mentale? Oh, les flics, ils vont perdre, non. Ils vont tomber complètement fous, ils vont s'attaquer à nous. Ouais, bah j'ai hésité, enfin j'ai voulu faire ça, mais ils ont plutôt réussi leur jet, donc je suis un peu déçu. Oh, les petits bâtards. Ça a été marrant qu'ils bouffent entre eux. C'est vraiment les flics de l'univers en fait, tu sais, c'est la brigade antidimensionnelle, tu sais, ils sont là, yeah, on a géré ça comme des boss, les mecs. Ils ont géré, enfin, c'était vraiment limite. Hein. T'en as un dans le lot qui est pas bien du tout, quoi. Ils sont quatre flics, on est d'accord? Ouais. Ça fait les Ghostbusters. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont 4, on le tait 4, et c'est eux qui réussissent, c'est pas nous. Non, mais tu sais, c'est les level 100 qui viennent nous aider, tu sais, alors qu'on est du level 10, tu vois. C'est leur police municipale, c'est normal. C'est ça, c'est. Ils ont un entraînement un peu meilleur que nous, quoi. Ouais. Attends, ils étaient à 4 sur un zombie, et vous étiez deux pauvres clampins, en plus vous avez fui. Dont un qui sait pas tirer et l'autre qui a un arc, tu sais. Ouais, voilà quoi, c'est... Bref. Est-ce que vous avez été plus loin? Il y avait autre chose? Une porte quelque part? On a essayé de tout fouiller, on n'a pas vu d'autres personnes. C'était vide. S'il y avait des... S'il y avait aussi des... On a retrouvé aussi un... Il commence à avoir une mine un peu décrépite. Si, il y avait un cadavre qui était également là. D'accord. Deux cadavres même. Ah oui. Eh ben. Il prend un air un peu tendu, comme si ce qu'il avait vu c'était pas beau du tout à voir en fait. C'était une boucherie. Il a vraiment une mine un peu décrépite. D'accord. Et sur ces cadavres, il y avait quelques inscriptions. Il y avait un homme et une femme. Et ils avaient des gravures sur le front, encore un coup de la secte. Ah là là. D'accord. C'est interminable. Ok. On va peut-être appeler une ambulance, aller à l'hôpital, faire quelque chose. Ça c'est fait, il y a les collègues qui ont appelé une ambulance. Jacob ? Oui ? Est-ce que je peux te demander qu'on descende une fois encore pour voir s'il n'y a pas autre chose ? Oui, bah. J'ai vraiment pas envie, mais maintenant qu'on est là, que les deux autres sont au tapis, je me sens obligé de faire quelque chose, qu'on avance dans cette histoire. Oui, non, mais t'as raison, faut qu'on mette les choses au clair une bonne fois pour toutes. Je suis on ne peut plus d'accord. Pourquoi ça avance, j'ai dit ça? Faut que ça avance, putain de merde. Mais est-ce que ça te dirait pas qu'on le fasse dans 3 jours? Ouais, dans 3 jours c'est bien. On va à l'hôpital d'abord et puis on reviendra. La vraie question c'est, est-ce que dans 3 jours on aurait récupéré plus qu'un point de vie? Non, bah si, bien sûr. En théorie, au moins 10, hein. Bah si on est arrivé à l'hôpital, oui, mais bon, on va pas. C'est complètement con. C'est une blague que j'ai fait en fait. Moi je vais en récupérer au moins 10. Non mais toi on s'en fout, t'es mort. Non. Alors, du coup, quelle est votre stratégie? Foncer dans le tas. Non, ça nous a bien réussi jusqu'à présent. Ouais, t'es à ton deuxième personnage qui a failli crever. Ah mais c'est parce que lui il est mauvais pour foncer dans le tas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je propose de descendre en premier, puis en faisant gaffe, voir si j'entends rien ou vois rien. Ouais, vas-y. Okay. Allez, on y va. Tu descends. Je suis. Hein. Une fois de plus, cet escalier qui craque, cette ambiance oppressante. Tu revois encore les runes. Bon, je te laisse faire un petit jet. Si tu veux, encore. Maintenant que tu as un esprit un peu différent. Un jet en quoi? En anthropologie. Non, mais non, j'ai 1%. Après, c'est toujours avec un peu de chance, on ne sait jamais. 56, bah non. Alors en fait, tu vois les runes. Non. Oui, je vois les runes et je me dis, ah, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah non, attends. Putain, c'est pratique ça. Et tu remarques quand même que ça ressemble à de sortes de hiéroglyphes. Tu penses que c'est soit égyptien, soit africain. D'accord, je parle arabe, techniquement, je peux pas. Non. Mais tu penses que c'est dans ces eaux-là, quoi. L'Égypte ou l'Afrique. D'accord. En bas, une fois. Attends. Les trucs, je vais les recopier sur un papier. Les runes. Maintenant, tout de suite, maintenant. Alors, franchement, c'est jamais une bonne idée de recopier des runes et de les porter sur soi. Mais si, je suis drôle. Je suis un antiquaire, moi, ça m'intéresse. Ah oui, non, mais bon. Oui, non, mais je parle. Bah, j'ai un petit carnet, un petit stylo. Je te laisse le temps de le faire, alors. Ouais, vas-y. Ok. Tu notes quelques runes sur toi. Et ensuite, vous descendez, vous arrivez en bas et vous voyez un tas de chair étendue au sol, inanimée. Vous reconnaissez l'espèce de zombie et vraiment une odeur putride. C'est assez abominable. Et là, l'alcôve, le petit rideau est ouvert. Il y a des formes au sol, allongées. D'accord. Et autour, il y a cette espèce de... Oui, toujours cette espèce de puits scellé avec d'autres... toujours des tambours, toujours là. Ce que vous avez vu auparavant, cette ambiance oppressante et un peu sombre qui serre un peu votre cœur. Qu'est-ce que vous faites? J'ai allé examiner l'alcôve, voir si je peux pas trouver d'autres choses, donc trouver objet caché. Genre. Tu te rapproches de l'alcôve et tu vois une fille. Une fille? Ouais, il y a une fille. Une fille? Elle bouge pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a des lunettes. Hein? Elle. Bonjour. C'est Naomi. Elle est. Elle est inanimée au sol et en fait tu reconnais un peu la marque de loin de leur tribu. Et tu commences à penser à Naomi, tu dis mais c'est Naomi. Tu te rapproches et c'était une sorte d'hallucination, ce n'était pas Naomi. D'accord, je perds de la santé mentale. Non, t'en perds pas. T'as failli mais, mais tu réalises en fait que devant toi c'était juste une... Il y a vraiment un cadavre en fait, vraiment une fille, mais non, ce n'est pas Naomi. D'accord. Je trouve Jacob, il s'en tire vachement bien quand même. Depuis le début, c'est le rien, lui, il lui arrive rien. Ouais, il a rien. C'est normal, il dit rien. Lui, il suit, tu sais, il est là, ah oui, c'est un sympa, là, c'est un chouette coulis, il chouette lieu touristique. Qu'est-ce que oui, tu fais? Oh, t'es fou, oh zut. Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi? Non, Jacob. Jacob. Moi, tu le suis, t'essayes de voir un peu le. J'allais voir, il y a deux personnes allongées, c'est ça? Il y avait deux personnes allongées, tu remarques et tu vois que c'est des... Oh. Ok, d'accord. Alors maintenant, tu fais un test de santé mentale. T'aurais peut-être dû fermer ta gueule, c'était peut-être une bonne stratégie. Tu te rapproches et tu vois un cadavre et là, tu te dis... T'as pas trop l'habitude en fait de voir des choses comme ça et qui te prennent aux tripes et le fait de voir un cadavre te met vraiment mal à l'aise. Tu fais moi un jeu de santé mentale. 11. Ok, oh. Ça passe. Donc là, tu fais ton jet de santé mentale. Enfin, tu vois le cadavre, t'as un espèce d'holker. T'as presque envie de vomir, mais t'arrives à te retenir, à reprendre des esprits. Et vous voyez au final deux cadavres avec le symbole du culte. Toi, Clifford, t'étais en train de fouiller. Mm-hmm. L'alcôve, oui. Enfin, et la pièce en général. Faire un petit jet. En fouillant. En fouillant, tu vois. Fais-moi un test d'objet caché, pardon. 67, c'est bon. Alors, tu tombes sur une lettre. Oui. Avec marqué Cher Silas, nous avons découvert ce bol de cuivre poli près de l'Ayers Rock. Je pense qu'il vous intéressera et que vous saurez en faire bon usage. Le grand prêtre de la chauve-souris des sables. Oh, d'accord. Ouais. Et en cherchant encore, tu tombes sur un étrange livre. Oui. Et il y a marqué, c'est un ouvrage, Les sectes secrètes d'Afrique. D'accord. Ok, ben je le prends directement. Très bien, tu le prends. Qu'est-ce que vous faites à présent? Je fais un tour de la pièce. Tu fais un tour de la pièce. Fais-moi trouver. Fais-moi trouver objet oh, caché pour voir. Oh oui. Oh. Oh c'est oh. un beau mur. Oh, c'est un beau tambour. Je l'ai essayé. Et là il y a un truc qui. Trois. Oh, joli. Joli. Alors c'est parfait. Parfait, c'est parfait. C'est parfait dans tu bon sens, entends moi, des sortes de petits bruits, mais tout juste inaudibles. Et vraiment. Tu lèves la tête et. C'est vraiment quasiment inaudible. C'est. Enfin, c'est vraiment de la chance. T'as collé ton oreille au niveau du puits et t'as entendu un petit bruit, mais vraiment étouffé. Tu t'arrives pas trop à savoir ce que c'est, mais c'est vraiment c'est étouffé de chez étouffé. Et ça provient du puits. J'appelle Clifford, je lui dis putain, j'ai entendu un truc dans ah bon le puits, c'est bizarre. Attends, je peux écouter aussi? Je peux faire un test d'audition? Ouais. J'ai combien audition? Tu l'entendras que sur une réussite critique. J'ai combien audition? C'est où? Écoute, bah non, c'est si tu fais une réussite critique uniquement, tu entends donc. J'ai fait 22. Non, tu entends rien du tout. Ah, fiche-toi. Mais j'ai confiance en Jacob, donc je le crois. Bah si ça c'est toi qui vois. Si on peut peut-être essayer de bouger la dalle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'examine le puits, voir si. Faites-moi tous les deux un jet de force. Alors en gros là la dalle elle fait un certain poids. Il faut que vous arriviez à atteindre ce poids-là en lançant les dés. Ah bon ? C'est pas un jet de force du coup ? Là on va. C'est comme pour la porte, c'est une résistance. D'accord. Elle a un certain poids. Il faut que vous réussissiez à l'atteindre. 31. 46. C'est bon, allez, c'est bon. Essayez de la soulever. Non, c'est pas de la soulever, on essaye de la pousser. Parce vous, essayez de la, vous essayez de la pousser. Oui. Elle est ancrée avec des. Enfin, elle est ancrée. Il y a des petits. C'est pas facile de la pousser. Vous pouvez essayer de la soulever pour la décaler. Elle est lourde. Elle est très très lourde. Vous sentez que là, vous avez un peu glissé des doigts, ça passe pas, c'est assez loin. Oui. Bah moi je dis, t'as un flingue, hein, Clifford. Ouais, sur de la pierre, c'est pas une bonne idée, ouais, ça. Non, hein. Il y a pas de. Vous pouvez réessayer. Pour ça, c'est pour ça que tu meurs tout le temps, Thomas. La balle ricoche et voilà. C'est Warl en face. Hein. En vrai, c'est possible. N'oublie pas. Je sais, mais c'est un. Vous voulez réessayer? Ouais, réessayer. Bien sûr. Réessayer, refaites un jet pour voir. Oh. Combien? 91. 58. Allez. Ah, c'est bon, ça bouge là. Bah non, la tête ouverte quand même. 91. Ouais. Non, c'est l'inverse. Ça passe. Si, parce que c'est le contraire là, c'est une résistance. En gros, la porte faisait 120. La dalle faisait 125 kilos et fallait atteindre ce score. D'accord. Donc, vous arrivez à la soulever légèrement et au moment où vous la soulevez et vous la décalez. Vous entendez un vacarme épouvantable, comme si des milliers de bêtes, comme si des tonnes d'animaux hurlaient en même temps, souffraient en même temps, des cris, comme si il y avait des sortes de personnes qui mouraient en même temps. C'est assez abominable. Dégueulasse. Et là, il n'y a pas de jet d'esprit, de jet de santé mentale. Pour l'instant, vous avez entendu ça et vous ne savez pas trop ce que c'est, ça vous prend aux oreilles, mais pour la santé mentale, ça passe encore. Qu'est-ce que vous faites? Et avant de savoir ce qu'on fait, on va écouter Let It Be Me, les Beatles versus Shaggy. À tout de suite sur Indestar. Venez, approchez, on vous embarque avec nous. 20h30, 23h sur Indestar, entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Eh oui, il est 23h10, mais on dépasse un petit peu parce qu'on a envie. Parce que c'est la dernière, on a le droit, on peut se le permettre. Oui, c'est la dernière, c'est plus c'est long, plus c'est bon. Hein. C'est surtout tant qu'on n'est pas mort. C'est ça, j'attends que vous mouriez avec impatience, c'est toujours pas le cas, je suis. Enfin, pour le coup, il n'y aura que Clifford et Jacob qui mourront définitivement. Hein. T'en sais rien. Tu n'en sais rien, t'es dit. Moi Poul succombera à ses blessures à l'hôpital, et Jacob survivra et retournera en Chine. Voilà. Alors. Vous avez ouvert cette dalle, oui. Et soudainement une cacophonie de bruit, comme si En fait, comme si c'était plutôt des cris, comme si plein de personnes se mettaient à hurler dans l'enfer. Vous avez l'impression d'entendre littéralement l'enfer. L'enfer vient à vos oreilles. Comme si des milliards de personnes hurlaient de douleur, comme si des... Ouais, des personnes souffraient en même temps. C'est une atrocité sans précédent. Qu'est-ce que vous faites? On est encore en train de flipper tous les deux là, je pense. Ouais, hein. Et on peut même pas refermer la trappe parce qu'elle est beaucoup trop lourde. J'essaye de jeter un œil à l'intérieur. Qui ça? Moi, Clifford. Très bien. Clifford. Ouais. Tu risques un œil. Et là, tu vois une créature, une masse vermiforme, comme si plein de tentacules étaient en train de s'entrelacer, qui se mélangeaient en poussant des hurlements, en tremblant, comme si une sorte de plein de muscles, de chair écorchée à vif, se mettait à bouger dans tous les sens, tels des vers avec des veinures violacées. Dans lesquels, en fait, quand tu vois les veines des tentacules, tu reconnais en fait des visages humains, plein d'humains qui sont... Cette créature est composée de visages humains et qui se mettent à hurler tous en même temps. Ils hurlent, ils souffrent, tu sens comme si c'était des personnes encore en vie et qui poussaient, qui hurlaient à la mort, qui souffraient comme personne n'aurait jamais souffert. C'est une vision tellement terrifiante, en poussant des cris tellement indescriptibles, d'une douleur inimaginable, que tu sens une frayeur s'emparer de toi. Tu ne peux plus tu ne peux plus tenir, et tu me fais un petit geste, un petit test de santé mentale. Un petit. Ça serait marrant qu'il tombe dedans. Sachant que j'ai 34. Rip. J'ai fait 42. Rip. Pum, pum, pum. Très bien, fais-moi un lancer pour avoir tes... Tes points de oui. Santé mentale. Un des quoi? Un des 8. Un des attends. Sachant que j'ai des 12, des 20. Non, c'est un des 20. Oh putain. Oh. C'est un des 20. J'ai acheté un des 30, faut pas lui dire. Hein. Bah, tu peux prendre un des 10 et multiplier par 2. Non, c'est bon, j'ai un des 20, j'ai fait 17. Ouch. Je sais pas. T'as combien en santé mentale? 27, et bah 17. Putain, attends, ça fait combien? Un cinquième de ta santé mentale totale. Un cinquième de 17 ta santé totale. En total, au début, t'avais combien? T'avais combien au début, j'avais 55. Un cinquième de ton 55. Divisé par 5, bah, ça fait 11. 11, oui, ouais, ça fait 11, ouais. Logiquement, oui, c'est ça, ça fait 11. Et ça fait quoi? Je suis à 11. Et t'as combien en... T'as perdu 17. Ouais. Et il était à 17. Non, il était à 27. Non, j'étais à 34. Aïe, aïe, aïe, aïe. À 34. Ah oui, tu t'apprends encore plus que 6, c'est ça. 34, ouais. Là, je suis à 17, du coup, et qu'est-ce que je fais? Un conseil, Jacob, recule vite, très vite. Tu te mets à pousser des cris, des hurlements, tu ne te contrôles plus. Il est trop tard pour jouer. Pour jouer vraiment le rôle d'un truc comme ça. Oui. Et là tu vois, tu visualises Naomi. Tu repenses à elle et tu commences à ressentir ce qu'elle ressent. Tu te prends pour Naomi et tu as l'impression de devenir Naomi, en fait. Tu vois ta peau changer. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ta peau changer, ton corps changer, et tu te transformes en Naomi. Et tu deviens Naomi. Qu'est-ce que je fais là? Et tu es convaincu d'être Naomi. Tu es certain, tu es Naomi. Oui, Clifford. Oui, Clifford. Oui, mon amour. Toi, pendant ce temps-là, Jacob, tu le vois en train de transpirer. Il transpire comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'avait pas dû, et ses pupilles se dilatent et il commence à perdre la raison. Jacob, je ne veux plus être avec Clifford, je veux être avec toi. Je veux passer ma vie avec toi. Retournement de situation. Là, bah, je comprends pas, je fais une tête un peu bizarre. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais où est Clifford? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de dormir, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est toi, Clifford. Non, je suis Naomi. Non, non, t'es... t'es... Alors, je l'attrape, je le secoue et puis je lui dis... Non, non, mais... Ça ne fait rien. Je lui mets des claques. Tu lui mets des claques et il continue de se prendre pour Naomi. Et, tu vois qu'il a complètement perdu la raison et... Il faut que je joue sur cheval fringant la prochaine course. Hein, tu entends la voix pousse-le dans le puits. Et mais impossible de réussir à... Il a rien d'hostile envers moi. Non, non, non. Arrête de me baffer. Pouce bleu. Pouce bleu. Non, mais du coup, je me dis que c'est peut-être à cause de ce qu'il avait dans le... De ce qu'il a vu dans le puits. Du coup, bah, j'y risque un œil aussi. Oh boy. Ah, t'es vraiment... Mais t'es vraiment court en fait. Ouais, non. Bon bah fais-moi un test de santé mentale. Tu vois la même chose, tu vois plein de visages et plein de visages poussant des cris infâmes. Tu entends pousse-le. Pousse-le. J'ai fait 70 et j'ai 75. T'as combien? J'ai 75. Oh, dans le puits. Oh, tu vois cette créature et en fait cette espèce de ver saute vers toi et manque de t'attraper et le puits fait à peu près 4 mètres de profondeur et la créature arrive à sauter vers 3 mètres à peu près de hauteur et essaye comme si elle essayait de t'attraper avec tes visages qui lui composent qui lui compose la peau, tous les visages, enfin les tentacules sautent vers toi et les visages essayent de te choper en fait, comme si tous les visages voulaient te manger. Et tu reconnais sur les visages plein de personnes de d'ethnies différentes, okay. Avec tous la même marque gravée sur le front et ils ont l'air d'être vivantes et de souffrir. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives encore à la regarder sans perdre la raison et tu entends Clifford à côté. Mais où est Clifford? Où est Clifford? Et Clifford, il est où? Faut cramer tout ça. Avec quoi? Cocktail Molotov. Démerde-toi. J'ai pas. Attends. Il est en haut le cocktail Molotov. C'est vrai qu'on aurait pu le prendre. Enfin. Tic tic tic tic. Avec quoi je vais tuer la créature démoniaque? Attendez, ah si, j'ai un briquet. Attendez, c'est roleplay, il cherche dans son inventaire. Oui, j'ai un briquet, donc je les attaque au briquet. Si tu as ma, tu l'as pas marqué, mais tu as ma flasque d'alcool parce que c'est qui l'a pris? C'est moi. Elle est dans ma poche gauche. Ah ouais, mais t'as plus ta veste. Je mets le feu à une de mes flèches. Toi, t'es vraiment un petit fils de. Non, non, c'est bien, il met le feu à sa flèche. Si c'est possible. Tu peux essayer avec un jet. C'est une pointe en pierre. Oui, en théorie. En mettant de l'alcool sur ta flèche. Un bout de tissu. Oui, un bout de tissu. Ouais. Tu peux essayer de bricoler un truc si tu arrives avec un jet. Il fait ça en deux secondes. Peut-être, oui. J'ai survie en forêt. Dextérité, peut-être. Non. Ou dextérité, intelligence. C'est. Éducation, peut-être. Éducation. Non, pas du tout. T'as quoi d'autre? Mais oui, Clifford. Oh, je ne le vois pas. Oh, mon maquillage. Oh, meuble. Mon make-up est foutu. Excellent. Mes deux talons sont cassés. Oh. Ah non, je crois que je vais m'endormir. Tu pourrais peut-être tenter avec mécanique. Mécanique, ah, oui. Bah oui, c'est un moteur, effectivement. C'est vrai que c'est pas logique du tout, mais je trouve pas de compétences pour briquer. Ah si, peut-être survie à la limite. Bah j'ai survie dans la forêt. J'ai survie en forêt. J'ai survie. T'as pas marqué survie dans la salle avec le puits? T'as pas une compétence qui te permet de bricoler? Bah survie en vrai, ça passe. Hein. Ouais, je pense que survie c'est la plus legit dans le lot. Hein. Survie? Allez, survie, j'ai 50. Moi je dis c'est charme la plus. Merde, 65. Bon, t'essayes de bricoler quelque chose, mais l'alcool ne prend pas. Qu'est-ce que j'ai comme briquet? C'est un briquet ou un zippo? C'est un... Zippo. À l'époque, il n'y avait pas de bic, hein. C'est un zippo, bien sûr. Oui, oui. C'est un... Tu es sûr? Non, mais c'est vrai, c'est forcément zippo, un zippo. Si vous voulez. Ouais. Ou un briquet à Amadou, à la limite, mais... Ça n'existe pas, les briquets à gaz à cette époque-là. Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Ça veut dire quoi, ça? L'histoire, elle est contre toi, la War. Attends, fais-moi... Attends, laisse, je vais faire un petit jet, tiens. Fais-moi un jet de cohérence. Fais-moi un jet de chance pour voir ouais. si... Tu n'as pas lâché ton briquet. Bah du coup... Alors, on se met d'accord, c'est un briquet. Si je l'allume, la flamme reste allumée. Oui. Oui, oui c'est si, comme ça, bah, ça si. Marche. Oui, et bah j'allume le briquet, puis je le jette sur la créature. Voilà. Non, mais c'est nul, ça. Mais c'est nul de quoi? Bah ça va pas, ça, ça va pas y faire très mal, ça. C'est pas inflammable, la ouais, créature. Ouais, c'est une créature des enfers. Alors, si infernal, encore tu mettais de l'essence dessus... Alors, le briquet tombe. Bah non, mais... Tu... Oui, qu'est-ce qui se passe? Le briquet tombe, il ricoche un peu au sol et la créature, les visages poussent quelques cris, la créature tombe dessus en se bougeant comme un asticot et la flamme finit par s'éteindre. Ah bah on, a, ah oui. On savait que c'était son point faible, génial. Bon, bon, bon. Comment voilà. Sens avec c'était son point faible? Bah vu comment on vient de réagir, c'était son point faible quoi, on a juste appris ça quoi. Ah oui. Donc en gros tu as juste de perdre la seule arme que tu avais efficace. En vrai contre. N'importe qui te lance un briquet sur toi, tu t'assois dessus, il s'éteint quoi le machin. Ouais, vous me cassez les couilles. Ah oui, bah t'as l'air court là. Hein. Bah j'attrape Clifford et puis je le pousse dans le cul. Alors je remonte. Soudainement, la créature se met à pousser un hurlement. Ouais. Qui est encore plus fort, qui retentit davantage. Elle se met à hurler, à en faire trembler les murs. Elle a faim. Elle meurt de faim. Vous l'avez ouvert et vous ne lui avez même pas donné à manger. Son cri est tellement puissant qu'il te prend aux oreilles et tu me fais un test de santé mentale. Pousse-le dans le puits. Faut se barrer. 37. Oh là là, mec, cet homme, putain. Ça repasse. Oh, c'est un rock, quoi. Refais-moi un petit test de santé mentale, Clifford. Mais j'ai rien fait. Naomi, pardon. Fais-moi un test de santé mentale. On s'en va les couilles, t'es là, t'es présent, tu manges. Bah, je suis à 17, c'est pas la joie. Et bah, tu meurs. Bah, j'ai fait 41, donc c'est pas bon. Et qu'est-ce que je fais après? Est-ce que t'es content d'avoir pris ton mythe de non, Toulouse c'est là, en début là? Très content. C'est un D8. 4. Non, regarde bien. C'est un D8, bon, bah tu d'accord, mais tu fais x2. Ah, 1 x 2, ça fait 2. Oh, le petit bâtard. Non, c'est un D8 que j'ai lancé, hein, je te promets. Oui, oui. Regarde, tu vois, ça fait 1. 1. Donc je suis à 16. Donc tu repères un point de santé mentale. Ouais, je suis à 16. Tu es convaincu que Clifford est quelque part et qu'il faut que tu le trouves. Tu dans es, la pièce peu importe, tu veux vraiment le retrouver. D'accord. Ton but premier, tu sens même plus qu'il y a une créature. Tu veux juste retrouver Clifford. Quitte même à, si tu le vois dans le puits, à sauter dans le puits. Quoi. Vraiment, tu as envie de trouver Clifford. Clifford, où est-ce qu'il est tellement mort, mon gars. Je cherche partout pour trouver Clifford. Je suis dans le puits. Pendant ce temps-là, Jacob, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je comprends qui est où elle cherche Clifford? Clifford, où es-tu? Je lui dis, Clifford, il est là-haut. Il dit, retourne voir, monte les escaliers. Où ça? Ah. Je suppose que tu vas courir vers l'étage. Oui, je cours vers l'escalier. Tu cours vers l'escalier. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais caché? Juste petite question, avec tout le bordel qu'il y a là, dans la pièce en bas, il n'y a pas un flic qui descend? Pas encore. Non. Ils sont longs. La vache. Là, ils viennent d'entendre vraiment le cri. C'est la police, hein. On est pas blessés. Il fallait faire le petit apéro, ouais. Là, ils viennent d'entendre le cri qui est vraiment, vraiment, vraiment plus fort. Elle est éclairée comment, la pièce? Une série de bougies qui est tout autour. Oui, ah ah. Ah ouais, c'est con, oui, t'aurais pu les balancer avec ouais, les bougies. J'y ai pas pensé. Il a dit en plus, hein, la bougie, je m'en souviens de ce truc. Et bah, je vais chercher une bougie. Tu vas l'attaquer à coups de bougie ou... Non! Ils sont pas allumés, c'est formidable! Il doit y avoir un cocktail Molotov à moitié renversé à l'étage, hein, sinon. Allez, pitié qu'on en finisse! Ah. Et bah, alors je remonte. Ok, tu montes et quand tu montes les escaliers, tu croises les flics qui étaient en train de descendre. Il fait: ouais, c'est quoi ce rafut? On a entendu des cris, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu une grosse bête dans le. Une grosse bête? Dans mon caleçon! Il y a un gros sanglier en bas! Mais non! Il y a un gros rat, on a eu peur! Il y a une créature très très très étrange dans le puits qui est au milieu de la pièce et je sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Est-ce que vous auriez du. De la nitro. Vous n'avez pas une petite bombe là sous la main? Il y a un truc à lui lancer inflammable. Grenade, s'il vous plaît. Non, on n'a pas de grenade. Vous n'avez pas une bombe nucléaire par hasard? Bon, attendez. Soit vous montez, soit, enfin, soit on monte, soit on descend. Mais bon, ils font demi-tour. Ils font demi-tour. Vous vous retrouvez tout en haut et les policiers, ils font bon, bah, on va descendre, on va regarder ce que c'est. Hein. Puis ils commencent à descendre les escaliers. Tu te retournes et tu vois là où il y avait le cocktail Molotov qui était sous la veste. Sous la de veste, Clifford. Ouais, de Clifford. Parce que t'étais là, je crois, quand Clifford l'a éteint avec sa grosse veste, il me semble. Donc tu l'as vu, tu sais qu'il y a un cocktail Molotov sous cette veste. Et bah je vais le prendre. Bon, bah, merci. Tu chopes. Au revoir, merci. Ouais. Bon bah c'est fait. Voilà, c'est fini. Et puis... là donc les policiers sont descendus, ils sont en bas et ils entendent les cris et ils se déplacent. Et moi je suis remonté du coup ? Ouais, t'es remonté. Ouais, d'accord. Toi qu'est-ce que tu fais ? Tu redescends, je suppose ? Oui. Oui, tu redescends. OK. Tu redescends et tu vois les policiers. C'est ça. Donc tu es en bas et tu vois les policiers qui en fait se rapprochent des cris mais ils osent pas y aller en fait. Ils avancent doucement et ils osent pas trop se rapprocher. Qu'est-ce que tu fais ? Je crie stop. Hop, pollination marge, circulez s'il vous plaît. Je dis vous approchez pas du puits, c'est là-dedans qu'il y a la créature et si vous la regardez vous allez devenir complètement cinglé. Moi ça va parce que je suis l'élu en fait. Bah oui c'est ça. Non, du coup, je chope une bougie au passage. Tu chopes une bougie ? Oui, ouais. J'allume le cocktail et je le lance dans le puits. Ok. Tu lances le cocktail avec un jet de dextérité qu'on rigole. Alors, ça, c'est le jet de. Oh, la... mais arrête, il a juste à le laisser tomber dans le puits, c'est tout. 23. Ah, putain. Voilà. Alors, j'aurais préféré que tu trébuches. J'ai 85. Très bien. En vrai, c'est marrant, il y en a deux mourants. Un qui est fou, il manquerait plus que tu tombes dans le puits, ça serait vraiment combo gagnant. Non mais Jacob, on a l'impression, tu sais, il est en easy mode en fait. Il est en mode, bon, ça se passe plutôt bien, moi, tranquille. Hein, ouais. C'est vrai qu'il a une de ses shots, c'est incroyable. Non mais tu sais, t'as l'impression que c'est le level 100 en fait de l'équipe, c'est tu vois. Qui fout rien et qui attend le dernier moment pour. Eh regarde, je suis là. En fait, vous savez ce qu'il va faire là, ce bâtard. Il va prendre tout le loot tout seul. Il a tout attendu tout le long en gagnant. Est-ce qu'il peut balancer le cocktail? Oui, donc il balance le cocktail. Il explose et le feu se répand sur toute la créature et toutes les tentacules se mettent à grouiller, les hurlements se font encore plus forts, encore plus puissants. Fais-moi un... Test de santé mentale. Ça passe. T'as toute la créature qui grouille, qui hurle, tous les cris, comme si l'enfer lui-même brûlait. Et tout d'un coup, tu as des espèces d'éclatements, comme si tous les visages se mettaient à brûler, éclataient comme des bulles lançaient des... Ouais, des petits morceaux de popcorn. Des petits morceaux de sang, une sorte de bile, comme si son propre sang coulait dans le visage des créatures, des visages humains. Une sorte de bile se met à s'étendre tout le long du puits. La créature hurle un dernier grand cri et ne bouge plus. Elle est inanimée. Après quelques moments à souffrir, elle n'est plus. Il n'y reste plus qu'une sorte de tas de boue au fond du puits. Et désormais... C'est un silence de mort qui règne dans la pièce. Que fais-tu ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais. Te précipite pas. Hein. Je vais aller voir dans le puits. J'en étais sûr. Je vais descendre. Non, je descends pas. Je vais voir. T'essayes de voir comment ? Bah, je regarde. Lance une bougie. Tu regardes et tu vois une sorte de tas de boue inanimée, comme si le puits ne possédait que de la boue, en fait. Tu ne vois, tu ne vois qu'un tas. Un tas de peut-être de chair, quelque chose de... avec quelques flammes qui venaient tout juste de s'éteindre. Tu vois pas quelque chose de particulier. Il y a aucun moyen de descendre. Une échelle ou... Au-dessus de la créature, il y a des liens en fait. Il y a une perche avec des petits liens en cuir. Probablement là où ils attachaient des sacrifices pour les mettre dans la... Oh, le bruitage. Des sacrifices pour la créature. Et les flics, ils font quoi dans tout ça? Ils sont derrière lui. Et ils sont un peu stupéfaits, mais là, avec le silence, ils se regardent bêtement. Ah bah oui, nous on va aller prendre l'apéro, hein. On va prendre. Bon, allez, Michel, ramène les croissants. Qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que je fais? Il y a moyen de faire descendre la perche ou... Tu pourrais essayer en bougeant. Tu te retournes vers l'espèce de manivelle pour descendre la perche. Ouais. Quand tu te retournes vers la perche, tu te retournes vers un policier et il te fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. On a entendu des cris. Vous venez de. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit, il y avait une créature vraiment très étrange et hideuse au fond du puits. Et je l'ai tué en lui balançant un cocktail, quoi. Ça se voit des fucks dans le studio, ouais. C'est intéressant. Il s'empresse d'aller voir. Il voit le tas de boue. Ils ne vraiment connaissent pas trop la créature. Puis ils te regardent comme si t'avais déliré, bizarrement. Vous avez bien entendu tous les cris? Oui, on a entendu des cris, mais là il n'y a qu'un tas de boue, il n'y a rien du tout. Bah, c'est normal, je viens de la tuer, la créature. Bah, il y a eu son cadavre. C'est ça le cadavre? Il regarde encore. Il te regarde. Ouh, ça va faire une jolie déposition tout ça. J'y fais pas attention et puis je me retourne vers la manivelle. Ok, tu... Tu sais, c'est un clodo qui a vécu dans la forêt toute la vie et qui raconte ça, tu genre, le mec, forcément que le mec il est mode... Bah il est con en fait. Donc t'essaies de descendre la manivelle et ouais. Tu veux essayer de... tu arrives à descendre la manivelle, t'essayes de descendre à la corde en dessous. Pour voir un petit peu ce qui se passe ou toucher la créature peut-être. Ouais. Ah bah oui. Bonne idée. Bah oui, bonne idée ça. Je vais toucher, voir comment c'est fait. Oh, c'est rigolo, hein, ça fait des guillis. Touche la créature et fais-moi un jet de chance. Ça fait comme le papier bulle, ça éclate quand tu touches. Si tu fais un échec critique, ça va être énorme. Moi, j'ai quand tu vois un enfant qui va se mettre le doigt dans la prise. Tu sais qu'il va se passer un truc. Fais-moi un jet de chance. Tu sais qu'il va pas se sortir indemne. Bah, j'ai eu de la chance. Oh. J'ai fait 44 et j'ai 45. Mais formidable. Putain, mais cet homme a raté aucun jet depuis tout à l'heure. C'est assez quoi. Abusé. Okay. Tu vois la texture, en fait, c'est du sang. Mais c'est du sang couleur plutôt violette. Enfin, t'es retombé un peu... Enfin, t'es dans une zone qui est pas très éclairée, mais tu vois une sorte de sang couler. Et non seulement il coule, mais en plus il s'évapore. Comme si c'était une sorte d'acide. Et il est un peu chaud. C'est chaud sur ton doigt en fait. C'est un sang chaud qui s'évapore et qui dégage une odeur qui prend au nez un peu comme un boudin, si tu veux, un boudin noir. Mais comme avec du sang séché. Avec tes oignons. Non mais c'est vrai, comme du sang séché, ah, mais... qui te prend presque au poumon, quoi. T'as l'impression que tu respires. T'as du mal à respirer. Et tu vois cette chose qui te coule sur les doigts et qui fait des bulles, en fait. C'est vraiment inhumain et rien sur cette terre qui pourrait y ressembler. À part le boudin noir, évidemment. C'est juste pour l'odeur, ça. C'est comme si tu mettais ton nez dans un boudin noir et tu fais... D'accord. Ça prend vraiment au nez, c'est assez difficile de respirer dedans. Et bah, t'as déjà test? Je vois rien qui pourrait être intéressant. Non, il y a rien du tout. Et bah, je remonte. Ok, tu remontes. Oh, putain, c'est génial. C'est ça. Génial, putain. Tu peux pas faire, je sais pas, un test d'observation, un test de réflexion. Ouais, si tu veux faire un test d'observation, mais. Quelque chose, quoi. Parce que sinon, c'est quand même extrêmement décevant. Je suis d'accord. Si ça se trouve, en fait, Jacob va juste partir comme ça, tranquille. Fais-moi un test d'observation. Ah, oui, elle est bien morte. Oui. Bah, j'ai fait 12. Putain, mais j'en ai marre de cet homme. Et il voit tout. Il a réussi tous ses jets. Ok, finalement en regardant, tu Tu vois qu'il y a uniquement des morceaux de viande, des morceaux de chair, comme si une tonne de cadavres humains s'était entassée et empilée. Quelques objets métalliques un peu partout, enfin il y a un peu de tout, comme s'il y avait un tas de cadavres empilés qu'ils avaient chauffé et qu'ils avaient mis ça, tout ça en bouillie en fait, comme s'ils avaient tout mis dans de l'acide. Avec des morceaux métalliques qui ressortent, peut-être des objets de personnes qui ont été mis là-dedans. Oui aussi. T'as pas un objet particulier en fait qui est dedans, c'est vraiment un puits putréfaction. D'accord. Après qu'est-ce que je pourrais faire encore dans ce trou moi ? Partir. Oui si j'ai rien. Oh, mais en vrai, Jacob, ça va être le dernier survivant. Il va pouvoir raconter son histoire. Moi, je remonte. C'est beau. Bon, ouais. Bah, il remonte. Il commence à tousser alors qu'il y a les, les policiers qui sont sont en haut et qui font. Mais ça va pas, non. Mais remontez. Qu'est-ce que vous faites là ce n'est qu'un puits. Qu'est-ce que vous faites dans un puits? Y a rien en bas. Cherchez de l'eau, monsieur. Cherchez de l'eau, j'avais soif. Puis toi, tu remontes, tu arrives à t'agripper et tu regardes ton espèce de doigt et tu vois un liquide violet presque en ébullition qui coule sur ton doigt. Vous coupez le doigt. C'est dégueulasse. Bah, j'essaie de m'essuyer le doigt. Sur le policier. Olive, j'y ai pensé, mais non. Tu t'essuies le doigt et en l'essuyant, tu vois que ça colle énormément, comme si c'était du pétrole. Et en l'essuyant, en fait, il y a une partie encore qui est accrochée sur ton doigt, comme si t'avais mis ton doigt dans une encre. Du goudron. Ouais, du goudron, de l'encre. Ton doigt est encore marqué en fait. En fait, tu vas juste pas survivre. Oui, c'est ça. Et c'est tout pour que je me cherche. Ouais. Genre, tu respires pas, tu tousses, t'as des miasmes en fait dans l'air. T'arrives un peu à sentir un peu de l'odeur. Enfin, tu ressens moins l'odeur, t'arrives un peu à respirer. Mais voilà quoi, ça t'a vraiment pris au poumon. C'était assez puissant comme odeur. T'as envie tu manques un peu de d'air quoi. Enfin, t'as envie de respirer un peu plus. Tu te sens étouffé. Et je cherche à remonter pour de l'air. Ok, bon, enfin, bah, remonter. Y a rien qu'à changer dans la pièce. Rien qu'à changer, non. T'as une fumée qui sort de ce puits maléfique. Et. Moi je dis, tu vas falloir faire. Et tu remontes, tu rejoins Naomi. Oui, c'est Naomi. Va falloir exploser tout ça à grand coup de dynamite, hein, parce que là. C'est ça. Tu rejoins Clifford qui se prend pour Naomi. Clifford! Qu'est-ce que tu fais, Clifford? Qu'est-ce que je peux faire pour le raisonner? Il est où, Clifford? Moi, j'ai bien une méthode, mais bon, non, ça ne marche pas. Ça a pas marché. Je lui ai donné des claques. Jusqu'à preuve du contraire, ça a toujours marché. Ah non, j'ai essayé. J'ai essayé de le. Vous avez vu Clifford? Le raisonner. Mais non, c'est pas un grand chien rouge, non. Lui expliquer qu'il délire, quoi. Qu'il plus, Clifford, tu es Clifford. Tu vas me secouer encore? T'essayes de le réanimer, mais non. Pardon ? Impossible. Ça. Tue-le. Tu n'arrives pas. Mange-le. Clifford, où est Clifford ? Et c'est ainsi que. Alors, ça ne va pas s'achever forcément parce que. Il y a peut-être une suite. Mais c'est ainsi que. Cette quête se termine. Vous avez. Gagner un XP, ouais. Clifford. Vous avez level up. Je veux pas dire, on est tous en vie. Mais vous êtes tous en vie, effectivement. Ouais. Dans la merde, mais tous en vie. Mais c'est pas la joie quand même. Vous n'êtes pas vraiment tous réellement indemnes. Oui, il y en a un quand même. Il est en vie, mais il va finir ses jours à l'asile, quoi. Donc, Clifford. C'est ça. C'est lui qui s'en sort le moins bien, en fait. J'avoue. Vous avez tout de même réussi la quête à arrêter. Complet. La créature de la secte qui était enfermée. Mmh. Et ça aurait fait quoi si on l'avait pas arrêté? La merde. Ouais, mais c'est-à-dire, tu peux nous dire maintenant? Non. Non. Ah bah d'accord. La secte n'est pas totalement vaincue. Si vous réussissez à faire tous les chapitres, je vous le dirai. Ah, nice. Ok. Et bah du coup, ça sera pour la saison 2. Oui, c'est ça. S'il y a une saison 2, effectivement. Mmh. l'année prochaine sur Indestar, évidemment. Mais oui. Ah bon. Eh ben, c'est... est-ce que c'est la fin de l'émission ? Eh bien, il semblerait que ce soit la fin de l'émission. Eh ben, on va remercier tous les spectateurs de nous avoir écoutés. Si vous avez loupé des passages, sachez que les podcasts sont disponibles sur le site de Indestar, sur iTunes, Spotify, Deezer, tout à fait gratuitement, bien sûr. On peut vous remercier, je pense, de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Oui, merci beaucoup à vous. Effectivement. À jeudi. Non, bah, un petit mot. On a pris beaucoup de plaisir à le faire, moi en tout cas. Et c'était une belle expérience. Voilà. C'était vachement cool d'être mort deux fois comme ça. Là. Non, t'es pas mort encore. T'es pas mort. On vend pas la peau de l'ours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il y a une voiture. Il y a une voiture de la police. Qui... Non, tu sais, il y a l'ambulance. L'ambulance. Boum. Fais-moi un jet de chance. Oh oui, non, mais chiche, chiche. Je joue, je suis joueur. Vas-y, je joue aussi. J'ai de chance. Ah, attends. C'est quoi Clifford finit à l'hôpital 70, c'est raté. Ah, mais attends, j'ai pas de chance moi. Si tu fais un échec critique, il y a l'ambulance qui t'écrase et tu meurs. Attends, on va dire que ma chance c'est c'est l'équivalent à ma. T'as pas de chance dans ton. Non, c'est pas marqué sur ma fiche de perso pas de en fait. Eh ben, prends 50. Bah, de toute façon, si 50, tu lances, on verra si tu fais un échec critique. Si tu fais un échec critique. Ah, mais échec critique, là je veux l'échec critique. 50, c'est décevant. Ah, bah, dommage. C'est décevant. Bon, bah, c'est dommage, l'ambulance arrive. On va tous vivre. Oh. Et bah, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. Et on vous dit sans doute à la saison prochaine. À la saison prochaine. Mais attends, l'aventure n'est pas totalement terminée. L'aventure dans Relais dans la folie est terminée, mais l'aventure Indestar continue. Ah, bien sûr. Parce qu'on se retrouve lundi avec l'émission Starter de 20h30 à 21h. Tout à fait. Suivi d'Actu Solite de 21h à 23h. Et oui. Et voilà. Une chose qui est sûrement sûre, c'est que cet été, on fera peut-être un petit one-shot d'une autre aventure, oui. Pas forcément de Toulouse, mais d'autres univers fantastiques ou même science-fiction. Ouais, on avait aussi pensé à Rick et Morty d'ailleurs. Ah oui. Rick and Morty in the Dungeon. Eh ben, tout ça, ça promet. Et qui voudrait faire MJ pour Rick et Morty ? On verra ça. Moi, je dis que Thomas, ça serait bien. Moi ? En plus, il a le pull. Oh là là, oui. J'avoue. Peut-être, et peut-être. T'as intérêt à mettre un masque Rick et Morty. Yeah. Il y en a un juste derrière toi. Juste derrière moi. Dans les locaux d'Indestar, c'est décoré, voyons. Attends, bah, je vais et pendant qu'il met, je vais continuer d'annoncer les émissions. Il y aura toujours J'ai vu de la lumière. C'est pas encore la dernière pour J'ai vu de la lumière de 21h à 23h, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Et ça sera même un spécial. Ce sera une émission spéciale, un petit peu expérimentale. On va essayer de faire une seule improvisation en 2 heures. Oh, voilà ce que ça va être. Jeudi, il y aura le retour de Passion, comme tous les jeudis, de 20h30 à 21h. Ouais, c'est ça. Suivi d'une spéciale Peck Avenger en Kama. Ah oui, donc Terme de Dofus, Waikou et tout ça. Et le vendredi, Vita Conso, tout comme d'hab, 20h30 à 22h. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais plus. Ouais, j'hésite. Un peu trop. Ah, tu vois, on t'entend moins bien avec un masque. Pardon. Vous aurez la photo sur la page Facebook de Indestar.fr. Allez liker. En attendant, on vous fait des bisous. Ouais, on vous souhaite une très bonne soirée. Et on va écouter quoi ? On va écouter Jess Moskalouke avec sa chanson Cheap Wine and Cigarettes, littéralement du vin bon marché et des cigarettes. Je suis jaloux, tu l'as dit trop bien. Bah ouais. Allez, des bisous. Des bisous à vous. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.